Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'expérience Marvel. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des expériences Marvel proposées dans les parcs à thème et les croisières Disney. Que vous soyez fan de Captain America, de Spider-Man ou d'Iron Man, ces lieux offrent des attractions spectaculaires, des rencontres inoubliables avec les super-héros et une immersion totale dans l'univers Marvel. Nous explorerons trois destinations phares où Marvel prend vie: Universal Studios Orlando, avec ses montagnes russes sensationnelles et ses aventures en 3D, les croisières Disney qui transforment l'océan en un terrain de jeu pour les héros, et Disneyland Hong Kong où l'innovation et la magie se rencontrent à la Stark Expo. Installez-vous confortablement, enfilez votre costume de super-héros et préparez-vous pour un voyage extraordinaire à travers le multivers Marvel. Mesdames et messieurs, accrochez vos ceintures, mettez vos oreilles en mode Fly Force, car aujourd'hui, nous avons un invité de légende. Il est plus rapide que le monorail de Disney World. Il est plus passionné que Walt Disney à son premier jour de travail. Il est ce fan absolu qui pleure en regardant Bambi comme si c'était la scène finale d'Avengers Endgame. La rumeur court qu'il a tenté de convaincre sa mairie de construire un Avengers Campus dans son quartier. Et aujourd'hui, il est avec nous pour partager son amour débordant pour Disney, Marvel et tout ce qui brille plus fort que le gantelet avec ses pierres d'infinité. Jeu de mots. Bonjour Pierre. Salut Benji, salut. Eh hey. Tu es content de l'introduction ? Super content de l'introduction, je rêvais qu'on puisse de la sorte. Et ben voilà, je l'ai fait. Voilà. Donc j'ai du niveau au niveau de l'introduction. Ouais. Voilà, j'étais inspiré. Voilà. Ouais, t'étais inspiré, j'ai vu. Et juste pour la petite info, c'est ma mairie avec le. Comment, pour le land Marvel, en fait, c'est les mêmes décisionnaires que pour le land Star Wars à DLP. Donc, du coup, c'est mort. Voilà, on est. On est sur un point aujourd'hui, on sait pas trop. On sait pas trop si voilà. Dans le quartier vous allez faire Avengers. Dans le quartier, ça va se faire. T'aimerais bien un Avengers Campus dans ton quartier ? J'adore. Mais écoute, franchement, j'adorerais un Avengers Campus au milieu de mon quartier. Ça pourrait être sympa en fait. Ça va donner de la vie. Chez moi, il fait très calme. Tu vois, donc, C'est trop calme. Il fait trop calme des fois. C'est bien. Ouais, tu te lèves le matin, t'as Spider-Man qui passe à côté de toi. C'est top, ce serait. C'est la magie. La magie Disney. Ouais. Bon, et Universal. Et Universal, bien entendu. Donc, et tu Universal. As compris, en écoutant l'introduction, que nous allons parler de trois lieux où tu as été. D'accord. Ouais. L'Universal Studio Orlando, où tu as pu y aller récemment. Hein, la croisière Disney. Alors, j'ai mis les croisières, mais en fait, c'est une seule. Tu as fait Disney Wish. Si je ne me trompe pas, et Disneyland Hong Kong, où tu en reviens, il n'y a pas longtemps, où tu as pu faire la zone Marvel. Voilà. Exactement. Je crois que. Voilà. Il y a d'autres croisières, bien entendu, et d'autres lieux où il y a d'Avengers Campus, hein, en Californie notamment. Mais bon, on va se concentrer sur ces trois-là. Je pense que c'est déjà pas mal. Pour donc, un épisode, je pense que ça va déjà être pas mal. On en fera un prochain avec le reste. Oui, on peut en faire plein, de toute façon. Il y a moyen d'en faire plein. Bon, alors, on va parler du coup, je te propose de parler d'abord de l'Universal Studio que tu as fait Orlando. Tu l'as fait à quelle période ? Alors, je suis parti Universal Studio fin février. Donc, c'était dans le cadre d'un séjour qu'on devait faire pour faire la croisière. Donc, la croisière sur le Wish. Et donc, on est arrivé juste avant pour passer 2 jours à Universal. On avait décidé de passer 2 jours à Universal, je l'avais jamais fait. Moi qui suis très Disney, c'était un peu faire une infidélité à Disney que d'aller à Universal, mais je m'étais dit, ok, si, euh, j'avais peur avec l'avion de me dire si jamais il y a un retard ou quoi, et d'arriver, ben, la croisière, elle t'attend pas. Donc on s'est dit, on va arriver avant, on ira Universal. Au pire, s'il y a un couac avec l'avion, ben, on fera pas Universal, mais on rattrapera pas notre croisière. Finalité, on n'a pas eu de couac du tout avec les avions, avec le voyage. Enfin, voilà. Et donc, on a pu profiter d'Universal. On a fait donc 2 nuits, mais une journée. On est arrivé à la fin de la journée, on a passé la première nuit. Et puis le lendemain, on a fait la journée Universal, on a fait les deux parcs. Puis on a refait la nuit. Le lendemain matin, on partait pour aller vers la croisière. Et donc voilà, la Universal Studio, très très sympa. Assez étonné par la qualité du parc. Je parle en termes généraux, pas seulement Marvel. La qualité du resort et des hôtels était très très bien. On avait fait le Loews Portofino. On se croirait vraiment à Portofino, moi qui connais bien l'endroit. On se croirait vraiment là-bas. Donc c'était même Victoria qui m'a dit, mais on est déjà venu ici en fait. Non, ça ressemble fort, mais c'était pas vraiment ici. Mais donc sympa, qualitativement très bien. Cher, cher, Plus cher plus qu'à cher Disney que World? plus cher qu'à Disney World. Les hôtels, franchement, plus cher. C'est plus cher. Tout est un peu plus cher. Le merch est plus cher, la bouffe est plus chère. Mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de le faire. Voilà, je vais probablement y retourner pour aller faire Epic Universe. Maintenant que ça va ouvrir ici, ben, ça ouvre bientôt, je pense. C'est ce mois-ci pour tout public. Je crois que c'est ce mois-ci, oui. Je Je suis pas sûr pense que c'est du. ce mois-ci. Je pense que Mamima est partie là pour faire l'ouverture. Bon, bah J'ai vu des écoute. vidéos passer, donc voilà. Et donc on a eu la chance de le faire et d'aller voir un petit peu ce qui se passait sur le resort et sur le parc. Et regardez pour les choses Marvel dont je t'avais envoyé d'ailleurs quelques vidéos en live et des photos. Tout à fait, tout à fait. C'était très appréciable d'ailleurs. Voilà, c'était aussi. Ouais, je pense que tu avais plutôt envie d'être là aussi. Bah oui. Ton Mais portefeuille un peu moins. est-ce que question, est-ce que enfin moi quand j'entends parler de Universal Orlando, est-ce que c'est ça paraît plus pour les on va dire les ados et les adultes plus que pour les enfants qui ont à peu près moins de 10 ans? Parce que par exemple, moi j'ai une fille, comme tu sais, de 4-5 ans, et j'ai l'impression qu'elle ne peut pas faire grand-chose au final. Est-ce que c'est pas plutôt un parc axé plutôt aux gens matures et adultes, où il est possible, ou du moins est-ce que pour toi les attractions, etc., sont aussi accessibles aux plus jeunes? Alors, je pense que ça va vraiment dépendre du type d'enfant qu'on a. Comme tu sais, moi, Victoria, elle a 7 ans. C'est une chouchoute. Elle ne veut pas faire des attractions qui vont vite. BTM, elle est au bout de sa vie. Enfin, donc, voilà, tout ce qui est sensations fortes, c'est pas du tout pour elle. Il y a quelques attractions qui sont sympas pour les petits. Mais effectivement, le parc, il est vraiment typé adulte. Enfin, adulte, ado, on s'entend, avec des attractions qui sont vraiment des gros coasters avec des grosses sensations. Moi qui ne suis pas non plus fan absolu des choses qui tabassent, je me suis dit, bon, je vais aller là-bas, je vais quand même faire. J'ai fait Velocicoaster. C'est violent, c'est violent. Hein. Voilà, je pense que dans le ranking des choses les plus violentes que j'ai faites, c'est dans le top 3 avec la nouvelle attraction Voltron à Europa Park. C'était vraiment, voilà, moi je dois pas en faire 4 comme ça sur la journée. Donc c'est effectivement beaucoup plus pour des jeunes adultes et des gens qui aiment les sensations. Il y a moins de dark ride pour les petits, il y a moins d'attractions pour les petits. Par contre, c'est très sympa. Moi, Victoria, on a des très beaux souvenirs parce que c'est assez coloré, c'est beau. Pour les petits, c'est plein de couleurs. Le land mignon est plein de couleurs. Le land aussi des Simpsons et tout, et on sont vraiment chouettes. Et il y a un land un peu toon comme ça qui est aussi très cool. Il y a pas mal de rencontres personnages un peu partout. Au détour d'une rue, tu tombes sur un mignon. Au détour d'une rue, tu tombes sur Betty Boop. Enfin, c'est un peu, ça paraît un peu dans tous les sens. Donc, ouais, effectivement, comme tu dis, c'est plus typé jeunes adultes. Bon, bah écoute, au moins on le saura pour et les vieux adultes aussi et les Les moins jeunes vieux adultes, hein. adultes et les moins Voilà. jeunes adultes et les Parce que moyens bon. adultes et les adultes tout court. Et voilà. Voilà. Voilà. Du coup, je te propose c'est qu'on fasse d'abord les attractions, tu nous diras si tu en as fait ou pas, ou si de ce que tu as vu, qu'on fasse un peu aussi les restaurants. Tu as fait quelques restaurants ou pas, je ne sais pas, tu me diras. Bah écoute, on fait une journée. Non, malheureusement, j'y suis rentré pour aller voir un peu Oui, un peu. ce que c'était, mais on ne savait pas tout faire. Et comme le seul resto qu'on a fait, c'était le resto Harry Potter, le dragon baveur ou le truc. C'était D'accord, ok. le Dragon baveur, c'est chaudron baveur, presque chaudron le dragon baveur. baveur. Ouais, le chaudron baveur. Ouais. Et c'est le seul resto qu'on a fait parce qu'on n'allait pas en faire 17 sur la journée Non, non mais au moins, à la limite, tu vois, vu qu'on a fait chacun nos recherches, plus. eh Ouais. bien, on pourra se donner envie à nous-mêmes Exactement. d'y aller. Voilà. Et on Ouais, prendra peut-être notre billet tous les deux pour y aller, ouais. sans nos familles. Tiens, on va en profiter. Entre jeunes Ouais. Ok, adultes. bon, je te laisse gérer ça. Je te laisse gérer ça. Oui, on va se faire engueuler. Ouais. Donc l'Universal Orlando Resort, c'est le vrai nom, donc est composé de plusieurs lands ou parcs, on va dire. Parc ou land, qu'est-ce qu'on pourrait Ouais, dire? en fait, il y a deux parcs. Il D'accord. y a deux parcs distincts. Y a, le parc est un peu plus Avec ancien un et le troisième parc avec Epic Universe qui va ouvrir, avec non? un troisième avec Epic Universe qui arrive. Et pour faire aller d'un parc à l'autre, soit tu passes par City Walk, qui est l'équivalent du Disney Village. En fait, c'est un peu la même grandeur. En plus, c'est pas très très long. Donc, c'est comme si tu traversais le Disney Village où tu as des boutiques et des restos pour aller d'un parc à l'autre. Ou alors, tu passes par le Poudlard Express via le land d'Harry Potter. Donc, il t'amène Ok. d'un land d'Harry Potter à un autre land d'Harry Potter dans un parc et dans l'autre parc. J'ai l'impression Donc, qu'il y a deux lands Harry Potter et le troisième qui va arriver avec Epic Universe. ouais, c'est ça. Il y a deux lands Harry Potter Donc sinon et les le gens n'aiment pas troisième Harry qui. Potter, hein. Ça se voit. Non, je pense que c'est une licence qui fonctionne pas trop. C'est Pas une trop, IP voilà, qui est vraiment. ouais. Ouais, il y avait d'ailleurs dans le land, il y a pas grand monde. Hein, je peux te Pas grand dire. monde. Ouais, Non, c'est... tu peux marcher Tu peux tranquille. marcher Il y a pas. tranquille, t'as de l'espace, Ouais, quoi. c'est. Il y a de Tu peux l'espace. Ouais, rouler. t'as de l'air. C'est bien. Ouais. Tu peux rouler des mécaniques, comme Tu on dit. peux. Ouais. Donc du coup, si j'ai bien compris, le land s'appelle le Marvel Super Hero Island, donc l'île des super héros Marvel, dans le parc qui s'appelle Islands of Adventure, les îles de Exactement. l'aventure. Voilà. Donc et donc il y a, comme d'habitude, des attractions, des boutiques et surtout à manger. Hein, surtout. Je te propose de commencer par des attractions. Alors, est-ce que tu as fait des attractions dans ce land? Alors, juste, j'ai fait Hulk uniquement. Alors, juste pour introduire les gens, c'est l'incroyable Hulk Coaster. Ouais. Donc, c'est un coaster vert comme Hulk, C'est un coaster tout vert, voilà. voilà, qui vous Qui propose passe de un peu au-dessus de nous. libérer le Hulk qui sommeille en vous. Voilà, et en fait, de ce que j'ai pu comprendre, on s'est porté volontaire pour une expérience avec Bruce Banner. Et il y a une sorte d'explosion de rayonnement gamma. Et du coup, grâce avec cette explosion, oui, je ne sais pas, tu vas nous préciser, où Hulk en fait va nous propulser en apesanteur dans le coaster. Est-ce que j'ai Ouais, donc, résumé à peu près où je me suis alors, foiré? y a, non, alors, tu as résumé des choses que j'ai pas compris, mais tu as résumé et c'était très bien. Moi, de ce que j'ai testé, bah oui, c'est un coaster assez impressionnant de par sa taille et de par sa vitesse. Il est assez fluide, c'est pas trop, voilà, ça tabasse pas trop. C'est donc ici, je vois parce que j'ai refait les petites notes. Donc, c'est 7 inversions Et t'as quand même des airtime qui sont assez longs dessus. Donc moi j'ai apprécié ça. Dans l'environnement, ça passe au-dessus de l'eau. Tu passes très proche de l'espèce de lac qui se trouve là. Donc c'était sympa. Le gros avantage d'Universal, c'est que tu peux franchement tout faire en une journée avec l'espèce de fast-pass qu'il y a sur place. C'est-à-dire que alors soit tu l'achètes, soit si tu vas dans un hôtel type de luxe, en fait tu as un billet coupe-file pour toutes les attractions. Et donc tu passes devant tout le monde et tu n'attends jamais. Je veux dire, tu vas attendre 3 Oui, mais minutes est-ce que tu maximum. rates la file d'attente? Parce qu'elle a l'air pas mal, la fin de ce que j'ai pu vous regarder. Alors, Les je peux files pas d'attente, te c'est dire. bien, c'est passionnant les files d'attente. Alors, C'est les le files début d'attente sont d'attraction. passionnantes, je pense, si tu as le temps de les faire. Si tu veux faire les attractions, ben, par exemple, on dévie un peu de Marvel, mais si tu veux faire toutes les attractions du Land Harry Potter avec toutes les files d'attente en version normale, je pense que ta journée, elle est pliée. Donc, Ouais, je vois. c'est un choix, en fait. Si tu as 4 jours à faire sur place, bah, tu fais 4 jours et tu fais des files d'attente. Sinon, tu passes les coupes-files. Donc, moi, j'avais le coupe-file, surtout aussi parce que bah, Victoria et Maryve, elles ne font pas ce genre d'attraction. Donc, elles m'attendaient tout le temps. Donc, voilà, je passais, ça allait relativement vite. Donc l'attraction Hulk, très très chouette attraction, belle découverte. C'est clairement le genre d'attraction bah, qui manque dans nos parcs, qui sont bah, Est-ce des qu'on vrais peut dire coasters, que quoi. c'est un coaster à sensation forte, forte, forte, très forte? Parce que Ouais, ça a l'air je vraiment pense très, qu'on très va. costaud. Ouais, sur 10, on va dire qu'on est à un 7-8. Ah oui, quand même. Ouais, Ouais, c'est pas rien, quoi. Ouais, parce qu'il allait y avoir c'est pas un de. petit. Ça a l'air C'est pas un petit coaster. On a l'air d'avoir de la vitesse, de l'accélération, des tunnels de lumière. On a l'air d'avoir aussi de la hauteur, hein, bien entendu. Voilà, donc. Ouais, non, c'est un chouette coaster. J'ai Et l'impression qu'on il est nous fort apprécié, ouais, aussi. propulse un peu à l'envers aussi, non? Alors, de souvenir, je pense que oui, à un moment, tu remontes et puis après ça repart à l'envers un peu à la manière de Voltron en fait. Et est-ce que comme dans Fly Force, t'as une bande son musicale? Non, parce que tu es en extérieur. Et je pense que c'est un peu plus compliqué d'avoir la bande son à l'extérieur, sauf si tu as les haut-parleurs sur chaque siège. Ouais. Mais là Et c'était même à pas là l'extérieur, c'était t'as, pas enfin, je veux dire, même si t'as pas le, ce que dans Fly J'ai Force, t'as. pas été marqué en fait par en fait j'ai pas été marqué par l'immersion au niveau son au niveau en fait tu rentres dans un coaster qui est t'aimé sur Hulk. Ok, on le voit, il est ouvert truc, mais tu leur peins, tu mets Spider-Man, tu fais le même, tu vois, c'est pas Oui. mais tu le mets en bleu et rouge et c'est parti. Je pense, ils vont pas en fait aussi loin que Disney au niveau de l'immersion en tout cas sur les coasters et sur les attractions de type Marvel. Quand tu reviens de Harry Potter et compagnie, c'est complètement différent, mais c'est plus récent aussi. D'accord. Bon, j'ai cru comprendre qu'il fallait faire à peu près 1,40 m, je crois, pour pouvoir le faire, parce qu'il Ouais, est assez. c'était tout juste pour moi. Ah oui? Et Donc c'est j'ai plus dû d'un passer mètre en quarante dessous de là-bas. Ouais, du merci. Un tout petit peu. Ouais. coup. Je t'ai Je vu en passe en vrai, dessous. donc du coup. Ouais, plusieurs fois. Ouais. J'ai dû passer en dessous de la barre, mais tout juste. C'est Venez ici, monsieur. moi. Ouais. Il y a une deuxième attraction, donc c'est qui est The Amazing Adventure of Spider-Man. Les incroyables aventures de Spider-Man. Donc tu n'as peut-être pas pu faire. Non, je l'ai pas fait. Par contre, je suis allé voir le bâtiment et j'avais regardé des POV de l'attraction. C'est une attraction type 3D. Tu es dans un petit véhicule et c'est vraiment une attraction type 3D avec des grands écrans devant toi. C'est pas le type d'attraction que j'aime vraiment parce que c'est donner un peu la gerbe en fait avec quand ça bouge un peu trop avec les lunettes et donc j'ai préféré pas la faire pour pas être mal sur le reste de la journée. Mais apparemment, d'après les vidéos et les POV que j'ai vus, c'est chouette attraction. Je sais pas si toi tu as eu l'occasion de. J'ai cru comprendre que en fait on était avec des lunettes 3D, hein, mais c'était une sorte de dark ride mais avec des lunettes 3D. Ouais, et des grands écrans. Des grands écrans, ouais. En fait, tu es dans des web slingers, on va dire, comme chez nous, mais t'as pas de Ok. Ouais. toile, quoi. C'est juste tu mets Ouais, tes lunettes et. Enfin, de ce que j'ai compris, tu vas sur les toits de New York, etc. Je sais pas cette impression-là. mais J'ai en pas eu cette fait, les impression. reviews disaient que c'était assez, t'étais assez vite malade si t'avais le mal. C'est un peu Le mal de la le conduite, problème. quoi. Ouais, c'est un peu le problème de d'Universal, c'est que tu as beaucoup d'attractions qui sont comme ça. Tu as là un peu le même style avec les Simpsons aussi, avec les lunettes 3D dans un véhicule. Tu as pas mal d'attractions comme ça avec des lunettes 3D. Ça m'a même été reproché plusieurs fois comment, et quand tu lis des choses sur Universal, ils disaient qu'ils avaient un peu abusé avec les trucs 3D. C'est plus le cas apparemment aujourd'hui avec Epic Universe. Il n'y en a pas trop donc à voir. Et je ne sais pas si il y aura une zone Marvel à Epic Universe par contre. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de checker ça. J'ai pas vu, non, t'as encore Harry Potter, ce que j'ai pu Ouais. voir. T'as encore Harry Potter. J'ai pas. T'as Dragon. Ouais. Il y a Nintendo World. Et il y en a deux autres, je sais plus c'est quoi. Mais t'as Land Vilain, les vilains avec Frankenstein et là où il y a Ah si, l'espèce de c'est bon, moulin j'ai avec Dark les trucs. Universe et Ouais, c'est Celestial ça. Park. Donc. Celestial Park, c'est le centre. Ouais. Tout passe par là apparemment. Bon bah Mais ils écoute, n'ont pas été jusque-là. ça a pas l'air, enfin, ça a l'air d'un, c'est tout bête, mais l'impression que j'ai en regardant les vidéos, quand j'ai regardé les vidéos et en regardant un peu les guides officiels, j'ai l'impression que c'est un mélange de, c'est une sorte de Blanche-Neige, c'est tout bête, hein, je vais résumer Ouais. vraiment, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu Blanche-Neige chez nous ou Pinocchio avec des lunettes 3D, tu vois, avec des écrans à la place des marionnettes et puis tu vas d'écran en écran et tu suis une De aventure, tu vois. Spider-Man. Ouais. Ouais, je J'ai pense que c'est quand même l'impression. un peu plus poussé que ça, mais Oui, c'est poussé, mais c'est l'idée, en fait. L'idée, t'es dans un web single ou un web comme Disneyland Paris et que tu as une lunette 3D, mais t'as pas tu tires pas mais je pense des. qu'il bouge en fait. Le truc il bouge, tu vois, il balance gauche-droite, et ça sur toi-même. Et voilà. Bon, écoute, honnêtement, j'ai pas eu l'occasion de le faire, j'avais pas non plus trop l'envie. Donc voilà. C'était pas. Mais le bâtiment est sympa. Il y avait pas mal de monde. Et le grand Spider-Man qui est dessus sur le bâtiment. Et c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait. Les bâtiments sont généralement très grands quand ils proposent quelque chose. Bon bah écoute, Et c'est voilà. plutôt pas mal, même si tu l'as vu, enfin je veux dire, t'as jamais eu, on va dire, c'était plutôt quand t'es arrivé, Hulk Coaster qui t'intéressait plus que Ouais, mais Amazing. c'était vraiment faire des choses je veux dire, qu'on n'a pas trop chez nous. Donc, c'est-à-dire plutôt des gros coasters qu'on n'a pas chez nous. Et généralement, je vais même dire en Europe en tant que telle, parce que des parcs avec autant de grands coasters, il y en a pas, hein, il y en a pas trop ici en Europe. En tout cas, en France. Voilà, je pense pas qu'il Non, en je crois ait. pas. Bon, il y en a, mais après, je Ouais, suis mais pas trop il y en a parti. un dans chaque parc, quoi. Là, ils sont un peu concentrés partout, donc voilà. Troisième attraction, le Dr Doom's Fearfall. Donc, si je traduis, c'est les chutes de la peur du Docteur Ouais. Fatalis. Donc, l'idée, c'est de dire que, alors, si j'ai bien compris, que le Docteur Fatalis nous a attachés pour. Alors. C'est ça que j'ai compris, c'est que en gros, il veut tester son invention. C'est une sorte de machine qui aspire la peur. Et du coup, il veut t'utiliser enfin du moins pour tester sa machine. Je sais pas si tu l'as pas fait du coup. Bon, mais écoute, c'était une que j'avais mis dans ma liste pour faire, parce que tournechute, ça me plaît, et elle était en réhab. Quand je suis allé, Pas donc de bol. voilà, pas de bol. Je l'ai pas vu je l'ai pas vu en fonction. Mais bon, c'est une tour de chute en Oui, un peu extérieur, tout comme, ce qu'il ouais, y a. ça. Ouais, C'est nous ici en. c'est classique, quoi, sauf que c'était Ouais. baptisé Docteur Fatalis et puis son Ouais, 24 c'est fantastique, ça. quoi. Ouais. Donc c'est pas. Ça ressemble un peu quand je vois les photos à ce qu'on peut voir dans certaines fêtes foraines. Tu Ouais, sais. c'est ça. C'est très typé. T'as C'est une tour en et fait, puis tu montes, tu c'est une descends. tour et voilà. Et ils ont aimé ça sur un personnage. Mais comme je dis, c'est très succinct ce qu'ils font avec la théma sur les attractions comme celle-là. Elle pourrait être de n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elle pourrait être de n'importe quel IP qui fonctionne. On se dit demain, je veux que ce soit sur autre chose, mais on va la retémer. Mais c'est pas qu'il y a tout un environnement autour de ça pour te projeter vraiment là-dedans. T'as vu le jeu de mots, le projeter la tour, enfin c'était voilà, Oui, magnifique jeu dédicace de à mots. Tony, ouais. Donc non, elle était en réhab, on l'a pas fait. Par contre, les tasses, Marie et Victoria l'ont fait. Donc ils ont fait les La tasses. femme, alors oui, alors les tasses, enfin, c'est l'équivalent des tasses chez nous, Ouais, mais c'est c'est la Storm l'équivalent des tasses. Force Acceleration Ouais. qui est en lien. Alors là, le thème, c'est Magneto, si j'ai bien Ouais, compris, c'est des Magneto, X-Men. ouais, et Tornade. Tu l'as fait toi ou pas? Non, moi j'ai pas fait, mais Marie l'a fait. Moi j'étais justement Alors Marie, t'en as dans parlé un petit Hulk. peu, comment c'était pour elle Ouais, alors? mais c'était des un truc type ETAS qui Comme les tasses Disneyland de Paris. ouais, mais qui allait quand même vachement plus vite. D'accord. Voilà, qui allait vachement plus vite. Moi j'étais justement dans Hulk à ce moment-là. Voilà, c'est une attraction aussi. C'était deux salles, deux ambiances, quoi. Ouais, on n'est pas Donc, ressorti pareil. Ouais, ah bah oui, ouais. ouais, j'imagine bien. Bon, l'idée, c'est que Magneto souhaite conquérir le monde, si j'ai bien compris, et que, en fait, le professeur Xavier et puis Tornade te font monter à bord de générateurs d'énergie, et en fait pour créer du tonnerre et des éclairs qui permettraient de combattre Magneto. Voilà. Donc Ok. c'est ce que j'ai pu comprendre en lisant un peu. Donc ouais, ça ressemble vraiment au TAS, quoi. Ouais, voilà. En plus T'as rapide. vu la en plus rapide. Ouais. En plus rapide. C'est des tasses Voilà. plus plus. Au final, il n'y a pas tant d'attractions que ça, en fait, quand tu regardes. Non, Puisqu'en plus, non. elles ont l'air super, excuse-moi l'expression, mais vieilles, parce que je regarde, il y en a pas mal qui sont de 4. Je vois, d'après ce que j'ai pu lire, les aventures de Spider-Man, c'était en 99 qu'elle est sortie, l'attraction. Les chutes du Docteur Fatalis, pareil. J'ai pas cette impression-là que ce soit des attractions récentes, tu vois. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même toutes des attractions à un endroit où c'est relativement ancien. Et donc l'immersion et la théma sont pas ouf. Mais là où ils vont vraiment aller se rattraper très fort, c'est sur les boutiques et sur le merch. Parce que les boutiques, elles sont vraiment, vraiment hyper bien fournies avec justement là des choses que tu ne vois pas ailleurs et tu as l'impression que c'est beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus varié ce qu'ils proposent. Tu te On va en souviens? parler, du coup je te propose de Ouais. parler des boutiques dans ce cas-là, comme ça Mais ouais, après donc on fera. t'as fait, parce que les attractions on les a finies, j'en ai Ouais, pas vu ouais. d'autres. Mais en tout cas, moi, de ce que je vois, il n'y en a qu'un seul réellement qui m'intéresse. C'est celui que tu as fait, c'est le C'est Coaster. Hulk. Ouais. Donc, T'as prévu d'y aller un jour, peut-être à bah, en fait, l'universel? oui, mais quand Clémence sera plus grande. Parce D'accord. que là, c'était ma question, je disais, est-ce que tu n'as pas cette impression-là Ouais, que c'est pas pour forcément. pouvoir profiter au Ouais, c'est max ça. des Ouais. attractions. Donc. Après, voir avec Epic ce qu'ils vont sortir, mais voilà. Donc, ouais, les boutiques. Alors, il y a, y a, T'as fait combien Dis-moi. de boutiques? J'ai vu qu'il y en avait trois. Il y avait une boutique de bande dessinée, une Ouais. boutique qui s'appelait Marvel. Je sais pas, j'ai pas trop compris. C'est appelé Marvel Alterniverse Store Ouais, donc et ça c'est vraiment, c'est Spider-Man Shop. Ouais. Donc en fait, T'as il y a, visité les trois ou pas? j'ai fait toutes les trois, ouais, et Ouais. c'est les Alors, boutiques que parle-moi de la j'avais comic envoyées. book shop, ça m'intéresse. Alors c'était là c'était vraiment vraiment top. En fait, c'est une boutique qui n'est pas en fait une boutique seule. C'est une boutique qui est accolée à une autre. Et donc tu as une partie de la boutique qui est comic book shop et l'autre partie de la boutique qui est en fait Marvel Alternative Store. C'est la même, mais ils l'ont scindé. Et donc, tu as vraiment toute une série de bouquins partout sur, non pas que Marvel, mais tous les comics. Donc, c'est D'accord. vraiment une grande, grande librairie, effectivement, tout en anglais, avec aussi des livres qui sont dans des vitrines, qui sont, à mon avis, des objets un peu plus collector ou des séries spéciales ou des choses avec des prix qui étaient vachement plus hauts. Je me souviens avoir vu des livres qui coûtaient plus de 1000 dollars avec des produits qui étaient signés, avec des produits de... Donc voilà, je pense que c'est vraiment une boutique de collectionneurs. Tu te serais régalé hein, sur Moi, ce j'aurais tout genre de... acheté, moi. Ouais, je pense, ouais. Je pense que tu serais vraiment régalé sur cette boutique. Et je regardais parce que, enfin, voilà, moi, je connais Marvel, mais pas très bien et pas surtout pas comme toi. Et il y en avait, je me dis, ah ouais, mais ça, je me souviens de ça, mais c'était des très vieux, en fait, des très vieux comics et tout, donc c'était bien. Et ils avaient du format bande dessinée, du format poche, du format, tous des formats de livres différents. Donc ouais, chouette boutique, belle ambiance à l'intérieur. Ah, c'est un truc, moi je passerai la journée à lire. Tu sais, tu Oh, t'assois ouais, et je tu lis. pense, ouais. Eh bien écoute, j'aurais pas cru que cette boutique t'aurait autant plu, parce que c'est vrai qu'on dit bon, un comic book shop, c'est pas non plus exceptionnel, mais bon. Est-ce qu'il y a la deuxième, donc là j'ai pu la voir, parce qu'en vidéo, je pense que c'est celle-là que tu m'as filmé avec des t-shirts. Donc c'est Ouais. Marvel Alterniverse Store, si je me trompe Ouais. pas. Ouais. Donc là, si j'ai bien compris, là c'est plutôt du merch, mais du vrai merch en dehors de comics à lire. Si j'ai Ouais, bien compris. c'est Et tout ouais, ce qui est donc c'est fourniture, t-shirt, fourniture, tout ça. t-shirt, pull, jouets, souvenirs, c'était très grand. Et là aussi, ils ont vraiment mis l'accent sur des vitrines avec du merch un peu particulier, des produits un peu plus chers, des figurines, des objets comme le marteau, le truc, enfin le bouclier. Il y en avait un qui était juste incroyable dans la vitrine, le bouclier de Captain America qui était dingue. Et tu dis, ouais, ok, tu vois ils vont loin dans ce qu'ils proposent. Encore une fois, une boutique de où autant les gens qui sont un peu néophytes et les passionnés vont trouver leur bonheur. Et le gros delta qu'il y avait là-bas, c'était entre la qualité de ce qu'ils proposaient en boutique et la qualité de l'environnement des attractions et comment ils les avaient mis en avant qui était tellement en opposition. Tu vois, si tu fais une boutique comme ça, tu dois avoir une attraction qui doit être complètement dingue. Est-ce que tu Voilà. peux, dans la boutique Marvel Alti-Universe, là, est-ce que tu peux, parce que j'ai cru comprendre qu'on pouvait voir Spider-Man passer. Je sais pas si c'est Alors, vrai. tu peux le. Moi, je l'ai vu, Spider-Man, dans l'autre boutique, dans la Spider-Man Man Shop, donc qui est à la sortie de l'attraction Spider-Man. Donc là, c'est vraiment la Comme chez boutique. nous, dès que tu sors de l'attraction Spider-Man, Ouais, tu. voilà, t'as la boutique qui est vraiment t'aimé Spider-Man de partout. Et là, moi, je l'ai vu. Par contre, dans la boutique Alterniverse Store, à l'intérieur, j'ai pas vu, mais j'ai vu Captain America à l'extérieur. Ouais, je l'ai vu à l'extérieur. Et Iron Man à l'extérieur. Ça devait être trop bien. Ouais. Ah, tu me donnes envie, mon petit chat, là. Juste pour les boutiques. J'ai plus envie de faire les boutiques maintenant Ah que. ben, franchement, j'ai passé pas mal de temps, mais j'avais justement filmé et envoyé. Et c'était, ouais, non, c'était. Ils vont loin. Mais en général, Universal va loin dans ce qu'ils proposent dans les boutiques et en merch. Tout simplement parce que je pense que c'est là qu'ils font de la marge et qu'ils gagnent de l'argent. Donc ils vont miser beaucoup là-dessus, justement pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, plutôt que d'aller Est-ce faire une que attraction qui va leur coûter trop. comment est-ce que tu alors tout à l'heure on rigolait sur le land les Landes Harry Potter, mais est-ce que c'était quand il est allé, est-ce que c'était un parc où qui était rempli, qui a ramené beaucoup de fans, tu vois ce que je veux dire par rapport à Harry Potter? Si tu devais comparer l'influence chez Harry Potter et l'influence sur cette zone-là, tu dirais, c'est quoi qui t'a plus marqué? Alors, l'affluence, je vais te dire honnêtement, du côté du Land Marvel, enfin, j'appelais ça le Land Marvel parce que c'est la partie Marvel Comics du parc et le Land Harry Potter, c'est le jour et la nuit. Tu as l'impression qu'il y a un parc qui est fermé et l'autre, c'est là-bas que tout le monde passe. Ah, est-ce que Je le pense Marvel, que. ça attirait pas tant de monde que ça? Non, non, non. Non, mais même tout le reste du parc était, je vais pas dire vide, mais était relativement, était pas très rempli. Par contre, dès que tu passes la gare et que tu rentres dans le chemin de traverse, c'est le monde, c'est dingue. Dans les boutiques, dans tout, c'est complètement dingue le monde qu'il y À ce point? a. Ouais, vraiment, vraiment. Ils font attendre les gens à l'extérieur pour rentrer dans les boutiques et tout. Hein. Ah ouais, Ouais, pour pas aller tout. chez Olive Wonders pour acheter ta baguette, bah, t'attends une demi-heure à l'extérieur. Hein. Ah ouais, d'accord, oui, ça n'a rien à voir du tout. Non, non, non, non. C'est vraiment une affluence, une très très grosse affluence, et j'ai l'impression que les gens vont pour ça, en fait. D'accord, J'ai ok. l'impression que les gens vont là-bas pour le Land Harry Potter. Bon, maintenant, ils iront certainement pour Epic avec le Land Mario et tout. Mais Le c'est Land pas ce Dragon, qui a. non? Ouais, c'est. Oui, le Land Dragon, mais c'est pas ce qui. Je pense, c'est pas ce qui attire les foules. Mais pour la bonne et simple raison aussi, c'est que c'est un peu vieillot. Il faut Oui, parce que j'ai pas se l'impression cacher. qu'il n'y a aucun, il n'y a aucun renouveau depuis 99. Non, J'ai l'impression non. que dans tout ce que je lis, ça apparaît vieillot, effectivement, et que rien n'a changé depuis 99, l'ouverture du parc, du Ouais, coup. et c'est tous des endroits où t'as pas trop de profondeur de bâtiment, en fait. Donc, c'est tout cet endroit-là, sont des façades, mais et je pense que c'est fait pour, hein, c'est des façades typées décors de cinéma, et donc ça fait 10 cm d'épaisseur, tu vois. T'as pas de profondeur. Comme un Land Harry Potter, comme Main Street dans les parcs Disney, tu vois, t'as pas des vrais bâtiments, c'est vraiment des façades, c'est des panneaux avec un décor qui est là dans une rue, où tu passes dans la rue, mais il n'y a pas de profondeur. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui ne fonctionne plus trop parce que les gens sont habitués à avoir des Lands immersifs. Un Land Harry Oui. Potter, un C'est Land pas aussi Star immersif Wars. que chez nous? Si tu prends l'Avengers Campus, c'est pas aussi immersif? Non, c'est beaucoup plus joli l'Avengers Campus que Plus la partie détaillé, plus détaillée, plus finie en fait, Ouais. plus nouveau, plus Ouais, au goût du jour, tu j'ai vois. l'impression que limite ça fait fête foraine quand je t'entends avec des placards de Ouais, mais personnages. c'est un peu ça, hein. Regarde les vidéos et les photos, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Et je dis ce qui sort un peu du lot vraiment, sont les boutiques. Où là, c'est bien fourni et c'est bien foutu à l'intérieur, c'est joli. Moi, je fais très attention à toute cette aller la mise en scène de quelque chose qui est importante pour moi quand je vais quelque part. Et là, t'as aucune mise en scène. On t'a mis un panneau, on t'a mis un truc dessus et voilà. Donc rien ne dit qu'ils ne vont pas refaire toute cette partie-là ou refaire peu à peu le reste du parc, quoi. En tout cas, t'étais content de le faire, mais si c'était à refaire, tu serais pas forcément attiré à refaire ce parti. Ouais, non, Le j'étais fait une alors fois, j'étais ça t'a suffi. ouais, j'étais très content de le faire, mais encore une fois, toute la partie Harry Potter, les attractions, le Poudlard Express, quand tu passes d'un parc à l'autre, c'est dingue. Enfin, vraiment, c'est l'immersion, elle est grande. Et Est-ce que j'ai l'impression que tu parles, quand tu parles, tu as des parcs qui sont bien, entre guillemets, finis et d'autres qui le sont moins, ouais, non, et comme en fait, je il y a un pense que déséquilibre entre les il y parcs, a entre les Landes ou les parcs. exactement. Exactement. Et cette partie en fait de cette partie Marvel, je l'ai faite en dernier. Et c'est peut-être une erreur parce que j'étais justement passé par le Land Harry Potter, les deux Land Harry Potter avant. Et donc après, tu t'attends toujours à aller crescendo et d'avoir un mieux. Et là, tu te retrouves là et tu dis, ouais, ok, j'ai 30 ans. Ouais, ça casse pas On a trois fait. pattes à un canard, Ouais, voilà, on est revenu 30 ans en arrière, quoi. Mais bon, voilà, c'est ce qui est vrai. ouais, ce qui est vrai, ouais, ce qui est vrai, je pense. Ouais. Tu as pu faire quelques restaurants ou tu as pu les visiter? Non, je les ai visités, j'y suis passé. Donc, du coup, c'est on a le Diner Captain America, de ce que j'ai pu voir, qui est un restaurant où on sert des burgers. Ouais, c'est un resto burger, fast food, tout. C'est ça, avec des sandwichs, genre au poulet chaud, et puis vous avez des salades. Bon, ça n'a pas l'air d'être de la grande cuisine, hein. Non, c'est vraiment du fast food. C'est Et quoi, le c'est comme resto. tu es avec ton plateau, tu prends et tu Ouais, payes. c'est ça. C'est vraiment ça. Tu passes avec ton plateau, tu as une borne de commande, et puis ensuite tu récupères derrière. C'est un peu un Hyperion basé sur Avengers. D'accord, ok. Ah oui, c'est. Mais l'intérieur, t'as regardé un petit peu, non? Ce que j'ai vu, Ouais, c'est mais principalement des affiches, hein, faut pas s'attendre à un ouais, truc. c'est pas super détaillé, quoi. Tu vois, si tu compares, tu dis ok, tu prends ça et le resto. Pas le PIM, l'autre à Avengers Campus. Oui, je vois. Aide-moi, voilà. Et Ah, le PIM, c'est celui d'Iron Man, le Stark. ouais, Stark Factory, c'est ça? Stark Factory, voilà. Ouais, c'est ça. Ça n'a rien à voir, tu vois. Là, tu vois qu'encore une Même fois, le Stark c'est. Factory est plus beau. Ouais. En même temps, il est beau, le Stark Ouais, il Factory. est C'est beau, c'est tellement beau. beau, tellement détaillé, tellement fini, comme tu dis. Ouais, c'est un endroit où tu vois qu'ils ont poussé les détails très loin. Là, on a pris une salle, on a mis 5 affiches et on a dit, ben voilà, ce sera aujourd'hui, Ça sera Avengers. Allez, ce hop. sera Avengers. Demain, on fera sur Winnie l'ourson. Ah non, c'est de l'autre côté. Mais c'est pas là-bas. C'est pas Mais le bon. donc voilà, ouais, c'est pas le bon. Et il y a l'autre qui s'appelle Café 4, Oui, alors vas-y, qui était raconte-nous. sur les 4 fantastiques, ouais. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Ouais, ça me plaisait déjà beaucoup plus. Vas-y, c'est quoi? Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme un plateau à table aussi. C'est un plateau et Oui, tu mais prends. c'était. Oui, mais la théma, elle était plus détaillée que comment. Et même la façade elle était plus sympa. Et là, on est sur une cuisine. Alors, italo-américaine, on est plus américaine que voilà, mais. C'est pas non plus les restos. Si tu dois en choisir un sur ton voyage et là-bas Universal, je pense pas que ce soit un de ces deux-là que tu vas faire, sauf si t'as Non, vraiment pas de temps. Voilà. après, de ce que je vois, c'est vraiment thématisé les 4 fantastiques. Bon, tu vas dire, c'est Ouais. d'actualité, est-ce que le film sort? Mais ça a l'air aussi, encore une fois, quand tu regardes ces photos, un restaurant un peu vieillot, Ouais. mais pas très vendeur quand Mais. même. Ouais, non, c'est. Mais ils mettent pas vraiment l'accent là-dessus. Maintenant, je me demande dans quelle mesure, parce que ça va plus loin au niveau de la réflexion, dans quelle mesure ils vont pas lâcher la licence à Disney. Je vais t'en parler après. Voilà. Du coup, de ce que j'ai pu voir, c'est plus sur des plats américains, on est plus sur des plats italiens, pizza, pâtes, Ouais, pizza, pâte, mais à la sauce. sandwich, Ouais. les sandwichs italiens là, à chaud, c'est Panini. donc ouais, voilà, on n'est pas sur quelque chose de. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment de, enfin, c'est pas des, enfin, quand t'es habitué à Disneyland Paris où tu dis t'as de la bonne food et tout. T'as pas l'impression, Ouais, enfin, t'as et vraiment quand pas tu de es rêve, aussi quoi. habitué à Disney World, parce que Parce que nous, on y va aussi et les gens pensent tout le temps Disney World, ouais, c'est burger frites, truc, alors que pas du tout. Pas du tout. Et Non, là, mais justement, tu on pourrait faire un truc retrouves l'esprit. original. Parce que tu Ouais, vois, tu ouais. vas au PIM chez nous, tu as des tout petits burgers parce que c'est rigolo, tu as des tout petits hot dogs, tu as des gros un burger géant, des pâtes aussi énormes et tout. Tu vois, tu pourrais faire un petit truc original qui Oui, te mais démet un peu là le tapas-thème, là. non, ils vont pas le non, ils vont pas Ils vont pas t'aimer ils vont la pas cuisine. aller jusque-là, non, du tout, du tout, du tout. Je pense que c'est pas dans leur plan les plus aujourd'hui, tu vois, quand tu regardes le Captain America Dinner et que tu vois justement Captain America qui est devant. Tu vois vraiment, c'est un truc, il n'y a pas de relief. Tu vois, c'est un panneau découpé à la CNC, on a fait Captain America, mais ça donne, effectivement, comme tu dis, ça donne pas envie. Regarde les photos de l'intérieur, Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. ça donne pas envie, hein. En fait, t'as l'impression que c'est un parc, c'est un land, on va dire, qui est laissé à l'abandon depuis 99, quoi. Ils ont obtenu les Ouais, personnages qu'ils voulaient à l'époque, et puis maintenant, voilà. il n'y a que les fans qui viendront dans deux Ouais, ans, il quoi. est là, il est là, il est là. Même le Café 4, quand tu regardes c'est pas bien détaillé. Alors c'est très typé comics quand même le type de dessin qu'ils font sur les façades. C'est pas très réaliste. On voit vraiment que c'est du dessin. Mais oui, comme Ouais, tu t'as dis, l'impression que c'est c'est les. des plateaux, c'est des dessins qui sont placardés. Alors que tu Ouais. vas au Stark Factory ou au PIM Kitchen, t'as des objets, des détails, des luminaires. Là, Ouais, t'as mais vraiment l'impression que. t'as 30 ans de différence. Ouais. Allez, on va dire Oui. 25 ans de différence. Et Oui, c'est ça, ça. tu peux changer un peu le parc, quoi. Tu fais des rénovations. Là, t'as vraiment, Ouais. c'est placardé, quoi. C'est Ouais, mais l'impression que j'ai. les gens, si tu le dis aujourd'hui à n'importe qui, ok, demain tu vas à Universal, pourquoi tu vas à Universal? Est-ce que tu penses que Bah, quelqu'un va te est-ce qu'ils dire en pour y vont ou c'est Marvel? pour Harry Potter, hein? Exactement. Et donc ils mettent tout le pognon qu'ils ont dans ces trucs-là, dans les Mmh. choses qui marchent, dans les IP qui fonctionnent, dans les licences qui marchent. Et comme je disais tout à l'heure, on va en reparler, mais est-ce qu'ils mettent vraiment de l'argent là où ils se disent, mais il y a Disney à côté et il y a une partie de la licence qui ne nous appartient pas? Dans quelle mesure est-ce que ça va pas tomber et est-ce qu'on a vraiment Je on vais va répondre à investir tout des ça mi après. voilà est-ce qu'on va vraiment investir des millions là-dedans enfin voilà T'as pu rencontrer des personnages un peu? Tu sais comment ça se passe un peu les rencontres? mais en fait les rencontres elles se font t'as pas de selfie spot prédéfini il se promène un peu partout donc à un moment tu sors et tu le vois il est là. Et t'as jamais beaucoup de gens, donc t'as toujours 5-6 personnes. Les gens ne se bousculent pas pour faire les photos. Donc c'est assez sympa. Les personnages sont relativement bien faits. Ça, c'était bien parce que Captain America était bien. Ça, j'avais vu. Donc oui, les rencontres de personnages dans la rue. Et tu fais les photos ben, un peu devant les bâtiments qui se trouvent là-bas, mais il n'y a pas quelque chose qui est mis en scène à cet endroit-là. Et ça m'avait fait marrer parce que il y avait Captain America qui faisait une photo. Et ça avait un croisement avec la rue, donc c'était vraiment comme un petit carrefour. D'un côté, tu avais Captain America et de l'autre côté de la route, tu avais Bob l'éponge et Patrick. Tu vois? Patrick. Et donc, tu vois, au niveau immersion, c'est quand même un peu Ouais. particulier. Ça doit être tellement drôle de voir Captain America s'est posé à côté de À côté Bob de Patrick l'éponge. l'étoile, ouais, Cette zone de mer en c'est cigare. si t'arrives à te choper la photo avec les deux en même temps, c'est quand même totalement improbable, quoi. C'est Tu vois? improbable. Ils sont coucous de l'autre côté du lac, quoi. Ouais, mais là, ils étaient vraiment, mais la rue d'un côté, c'est comme si t'avais Main Street d'un côté, t'as Bob l'éponge et Patrick, et de l'autre côté, t'as Captain America. Et comme il Ouais. n'y a pas beaucoup de monde, tu les vois bien, quoi, t'arrives à choper une photo des deux en Ils vont même même temps. pas se rencontrer, se serrer la main, enfin du moins Putain, ce serait bon, ça, mais la branche, on n'est pas allé ouais. jusque-là, ouais. Non, bon. Donc, Euh, voilà. est-ce que t'as peut-être peut-être quelques informations pratiques pour les auditeurs quand même qui veulent aller voir ce land. Vieillot, mais bon, à faire quand même, de ce que j'ai compris. Mais et les infos pratiques, c'est un parc qui est, en tout cas, je prends de manière générale, donc je parle avant ouverture Epic Universe, parce que là, je ne sais pas trop le temps que ça va prendre de... Ouais, c'est pas une destination, c'est pas Disney World. Donc il faut bien se dire, c'est pas une destination où on doit y aller et rester des jours et des jours et des jours et des jours. Je pense que c'est bien de le faire. Si on va à Orlando, c'est dommage de passer à côté de ça. C'est assez simple pour y accéder. Nous, en y logeant là-bas, c'était assez facile. Et nous, pour y aller, ben, de l'hôtel Loz Portofino, c'était un bateau, un petit bateau qui nous a amenés directement à l'entrée des parcs. Donc, c'était assez facile. Je pense que pour les autres hôtels, ce sont des bus, des navettes qui sont prévues pour y aller. Bon, regardez bien pour vous y prendre à l'avance pour les tickets. Moi, j'avais pris les tickets sur Attraction Ticket et le logement, je l'avais pris directement sur le site Universal. Voilà. Et comme ça. Merci pour ces astuces. Voilà. Je pense que je ferai comme ça. Ouais. J'essaierai de faire avec toi dans ce cas-là. Ouais, mais c'est pas très très compliqué. Et de tête, on est à entre une demi-heure et 45 minutes de Disney World. Oui. Donc, toi, t'avais pris quoi, un Uber, un... Alors moi, oui, sorti aéroport, on avait pris un Lyft. Quand je suis là-bas, mais j'utilise beaucoup beaucoup Lyft. Plus que Uber, je compare tout le temps un peu les prix. Et apparemment, Lyft est un peu plus répandu et plus qualitatif. Disney World, on n'a fait que Lyft. Ouais, Lyft est un peu. Ouais. Et donc, un peu plus répandu. On a pris un Lyft jusque de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Et puis après, bah, oui, on avait repris le Lyft pour nous amener. Bah, de l'hôtel jusqu'au... Ça coûte à peu près combien un lift aéroport Universal pour les auditeurs, pour qu'ils sachent. Écoute, je peux... Bah, en attendant si que tu viens, je peux expliquer. Si tu me laisses, ouais, de 5 minutes, je vais aller voir sur le... Pendant qu'ils cherchent, il y avait une question, ouais, qu'on m'avait posée en amont, parce que j'avais parlé du thème, mon petit Pierre, du sujet, et tout le monde m'a dit, et Benji, mais... Nous, on a été à Disney World, mais on ne voyait pas de Marvel là-bas. Tu es obligé d'aller à Universal pour aller voir. Donc, la question qui était souvent posée, c'est pourquoi, en fait, on ne peut pas avoir un Avenger Campus à Disney World. C'était la question que tu as posée tout à l'heure et que certains m'ont posée. Et c'est lié à un vieux contrat il y a plusieurs années où Marvel avait signé, avant qu'il soit racheté par Disney. Et Marvel avait conclu un contrat avec les propriétaires des parcs à thème, donc Universal Studio à l'époque, pour l'utilisation de plusieurs personnages Marvel, notamment Spider-Man, Hulk, les 4 Fantastiques, Captain America, bref, ceux que toi tu as vu dans les X-Men aussi, okay, que tu as vu dans le Land. Et Disney, est, par la suite, est devenu propriétaire de Marvel, et ça a forcément eu un impact sur Walt Disney World, parce que vu qu'il y avait une exclue sur ces personnages-là, il est aujourd'hui, et qu'elle existe toujours, cette exclue, il est aujourd'hui impossible pour Walt Disney World de faire un Avenger Campus. Ils peuvent le faire à une condition, mon petit Pierre, c'est qu'il ne faut pas qu'ils utilisent des super-héros qui proviennent du Land Marvel Universal Studios. D'accord. Par exemple, l'exemple le plus flagrant que je peux te donner, si tu as été à Epcot, tu as fait les Gardiens de la Galaxie. Ouais. C'est Marvel. Ils ont pu faire l'attraction des Gardiens de la Galaxie parce que, justement, il n'est pas utilisé, cette licence-là n'est pas utilisée dans le Land Marvel de Universal Studios. Donc, ils pourraient en faire un, mais uniquement sur des super-héros qui ne font pas partie du contrat et donc du Land Marvel de Universal Studios. Et l'autre clause, entre guillemets, qu'il y a, c'est qu'ils ont fixé comme limite le Mississippi, le fleuve. D'accord. qui dit qu'en fait, cette exclue, elle se fait que dans le côté est du Mississippi. Et pour tout ce qui est côte ouest, bah, du coup, Disney est libre de faire ce qu'ils veulent. Et donc, c'est pour ça qu'à Disneyland Californie, Anaheim, bah, du coup, t'as un Avenger Campus. Ils peuvent utiliser n'importe quel personnage, et là, ils ne peuvent pas. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut changer à ce niveau-là avec un Alors, juridiquement, parce que c'est mon domaine, juridiquement, tu as deux possibilités. La première, c'est que Disney renégocie le contrat. D'accord. Donc, ça veut dire que tu dois faire un peu faire appel à tes talents de négociateur pour expliquer à Universal Studio, écoute, ta licence Marvel, ton exclu, tu ne l'as plus. Je ne sais pas si réellement ils seraient d'accord pour abandonner cette idée, mais là ça fait partie de négociation d'un contrat classique, tu vois. Faut que... C'est... Et la deuxième chose juridique, c'est qu'en fait le land Marvel disparaît dans Universal Studios, par exemple, ils rasent, terminé, comme ils ont fait chez nous avec Disney World, Disneyland Paris, où ils ont rasé pour transformer l'Avenger. C'est quelle land qu'ils avaient rasé, je ne sais même plus. Ils ont rasé, où il y avait Armageddon. Ils ont rasé. Mais en fait, du coup, le seul moyen, c'est qu'ils rasent complètement le land Marvel à Universal Studios, qui n'existe plus. Et quand, c'est-à-dire que en fait, le contrat deviendrait caduc, parce que l'un des éléments constitutifs du contrat, qui est la création de ce land Marvel, qui n'existe plus, détruirait, on va dire, la valeur du contrat. D'accord. Donc, si la deuxième option, c'est effectivement ça, c'est si ils renégocient pas, Universal dit bon allez hop terminé, on rase notre land Marvel, on va faire autre chose, et, dans ce cas-là le contrat serait caduc puisque l'un des éléments constitutifs de ce contrat-là aurait disparu, et donc ils pourraient utiliser l'IP. Ouais, mais quand je vois ce que Disney investit dedans et ce que met en place avec Marvel, je pense qu'à un moment, d'une manière ou d'une autre, ils vont récupérer. Je sais pas. Parce que ça peut pas se retrouver partout dans tous les parcs, dans les bateaux. Il faudrait voir le contrat en tant que tel, voir par exemple, tu vois, si tu as une obligation, faudrait voir le contrat en tant que tel. Mais si tu as une obligation, tu sais, genre de maintenir un land d'actualité. D'actualité, exactement. Mais je pense pas, parce que sinon, il l'aurait déjà fait sauter. Peut-être. Donc, On verra dans les années qui viennent. Je suis pas sûr qu'on voit un jour un parc Marvel à Walt Disney World. Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce qu'on aura un land Star Wars à Paris, ou un land Marvel à Disney World en Floride? C'est quoi qui va arriver en premier? Je pense pas qu'il y ait de land Marvel en Floride. Je serais plus sur un land Star Wars chez nous. Ok. Mais imagine comme le truc est mince. Bon, on a fait notre. Bon, j'ai retrouvé mon lift qui m'a amené de l'aéroport jusqu'au Portofino B. Et donc, c'était bien une demi-heure, donc 31 minutes, et c'était $45.52. Oh, ça va. Ça passe. Voilà, ça passe, $45. Ah oui. Puis quand tu es plusieurs, tu peux partager la note. Et puis, Exactement. Voilà. Et c'était. Donc, j'ai retrouvé ici le métrager que j'avais fait. C'était le 22 février. Moi, je propose que tu nous emmènes en mer. Eh bien, écoute, on va reprendre un lift. on va reprendre un lift et on va. Tu as pris un lift et tu es parti après ton lift d'Orlando. Tu as pris ton lift pour aller où ? Prendre la mer. Alors, justement, là, donc on a pris le lift pour aller à Port Canaveral. Dis-nous tout. Le prix du lift. Le prix du lift, on était plus ou moins à $100. C'est en 100 km du coup, là, t'étais sur. Il y a plus de distance. Il y a plus de distance. On est entre 1h et 1h20 pour y arriver. Par rapport au truc pour aller jusque Port Canaveral. Alors, on avait fait une chose, un petit truc, c'est que sur le bateau, on avait regardé qu'on n'avait pas énormément de place dans les cabines. Et donc, je m'étais dit, partir avec les valises, parce que nous, quand on part, je pense que à la maison, la seule chose que Marie ne prend pas, c'est les châssis de la maison. Mais tout le Les reste, fondations, quoi. les fondations, on les laisse, elle essaie de les prendre, mais on a tellement de bagages quand on Oh. part et encore plus quand on revient, c'est horrible. Et Alors nous, donc, on part avec des sacs à dos et on revient avec une valise, mais on fait pas ça. ah ouais, non, non, mais nous, c'est on part genre part avec chacun deux grandes valises, un trolley chacun et un sac à dos, tu vois. Donc, ouais, non, c'est tout le temps, c'est un peu la folie. Et il y a 90% de on ne sait jamais dans les valises. Donc voilà. Mais et donc on s'est arrêté dans un endroit à 2 km du bateau pour déposer des valises. Donc c'est un truc de gardiennage qui s'appelle Bounce, qui est géré en fait par un dépôt DHL. Un Et donc babysitter de valise, quoi. babysitter de valises. Donc c'est une appli où tu réserves en fait un espace de stockage pour tes valises. Donc le lift nous a déposé chez Bounce. J'ai déposé 3 valises chez Bounce et on est parti sur le bateau plus léger avec moins de bagages parce qu'on faisait 4 nuits et donc on n'avait pas besoin de tout. Et donc c'était le bon plan parce que comme ça dans la chambre on avait moins de choses. En tout cas, la croisière. Donc, tu es parti sur le Wish. On est parti sur le Wish. C'est Alors, la est-ce que tu première. peux expliquer aux gens comment tu as réservé, alors même si c'était très simple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient aller sur une croisière ou faire une croisière Disney. Alors, comment as-tu fait pour réserver cette croisière? Alors, premièrement, j'ai regardé mon compte en banque. J'ai regardé si je pouvais le faire. Et ça, je me suis dit, Le bon, premier truc à faire, oui. là, ça devrait aller. Maintenant, il faut convaincre Marie de partir. Bon, j'ai À une la technique, c'est que manière. non, non, du tout, c'est parce que, alors moi, je suis hyper fan Disney, elle aime beaucoup, mais moins que Je moi. tolère. Voilà, je tolère, mais bon, on va tous les ans à Disney World, donc en plus maintenant sur les bateaux, voilà. Et donc, je passe par Victoria, en fait. Donc, c'est elle qui négocie pour moi. Le Euh, conflit de oh, loyauté. C'est ouais, bravo. ouais, Ah, ouais, bravo. je passe Bravo. par elle. Et Bravo. donc, Conflit de loyauté. Bravo. comme c'est elle qui dit, ah, mais moi, j'aimerais bien aller sur le bateau, mais ça passe, ça passe. Non, en fait, relativement facile, la réservation sur le bateau. C'est un peu comme une réservation pour aller, on va dire, à DLP. Plus simple que pour aller à Disney World, parce que tu n'as pas tous ces trucs de regarder site irlandais bazar. Non, tu as uniquement le site de Disney Cruise Line, tu choisis ta destination, tu choisis le nombre de nuits que tu veux partir, et puis tu dis voilà, je veux partir dans les îles, enfin faire Bahamas, Castaway et compagnie, 4 nuits, et on est 2 adultes et un enfant. Et ensuite, tu choisis la date, il te propose des dates avec des différentes croisières, avec différentes étapes, différentes escales. Une fois tu pars, tu vas premier à Castaway, puis après tu vas à Nassau, puis tu as une autre croisière qui part 5 jours plus tard, qui là va premier à Nassau, puis à Castaway. Enfin, voilà, tu sais, regardez, il y en a quand même pas mal sur des bateaux différents. Donc tu vas choisir ton bateau, tu vas choisir un truc, et puis tu vas choisir ton type de chambre. Donc tu as des chambres qui appellent ça inside, donc c'est des chambres où il n'y a pas de vue extérieure. Donc c'est des chambres qui sont vraiment à l'intérieur du bateau sans hublot, où il y a en fait en réalité un, bon, il y a pas, c'est pas faux chez Disney parce que c'est magique. Il y a un hublot magique où tu vois l'extérieur du bateau. Donc, il y a un hublot dans la chambre, il y a un écran où tu vois vraiment avec une caméra ce qui se passe à l'extérieur. Et de temps en temps, tu as un personnage qui passe sur le côté, tu as Porcinet qui passe vraiment dans l'écran. Qu'est-ce qu'il Donc, vient faire là, lui? Il a rien demandé, il du arrive. coup, il est là, il est sur le bateau. Donc, tu as ces chambres-là. Puis, tu as des chambres avec hublot. Puis, tu as des chambres, ils appellent véranda. Chambre véranda, en fait, c'est une chambre avec un balcon. Euh, Ça, et c'est puis bien t'as ça. les C'est bien Ouais, ça? c'était ce qu'on avait pris. Ouais. C'était une chambre avec un balcon, ça donne, c'est Et quand tu même avais sympa. une petite chaise là Ouais, pour deux allonger les petites jambes déjà? chaises, une petite Oh, table et c'est tout cool ça. sur le Oh, c'est un balcon. truc, Ouais. tu vois, j'irai chercher des cocktails au bar et je passerai ma journée. Ben voilà, ben c'est ce qu'il faut faire en fait. Tu l'as fait vraiment? ouais, D'accord. c'était, Le ouais, coquin. Le coquin. c'était le bonheur, c'était vraiment le bonheur le truc. Et t'as les chambres après concierges qui sont là en fait l'équivalent. Où tu dors avec le concierge. Tu dors avec un concierge, chacun a son concierge. Donc t'as les chambres concierges qui sont en fait l'équivalent un peu d'un club level ou d'un avec des services particuliers. Ça fait peur. La façon dont tu le dis, ça fait peur. Quel genre de service? Mais en fait, c'est plutôt tu as un bar spécial pour les concierges, Oui, c'est enfin c'est pour un les truc chambres. privatif, ça. Ouais, tu as En gros, t'as tu as une plus conciergerie qui est là pour qui est des pour moindres toi, mais besoins. c'est un castle club en fait que sur le D'accord. bateau et voilà. Donc nous, Appelle ça comme ça? on n'avait pas pris ça parce que on connaissait pas trop la différence et on s'est dit j'avais lu un petit peu qu'il fallait pour un premier truc il faut tu vas tellement bouger que ça sert à rien de prendre concierge parce que tu vas pas en profiter vu que c'est ta première cruise et j'ai eu un gros regret sur la cruise c'est que ça a pas duré assez longtemps parce que moi je me T'as pris disais mais combien je de vais temps ton séjour, dis-moi? j'avais pris 4 nuits. Ouh, ça passe vite. Ouais, je me suis dit, ouais, mais non, mais 4 nuis sur un bateau, je m'emmerdais, moi, sur le bateau pendant 4 nuits, qu'est-ce que tu veux faire? Et en fait, tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps occupé. Tu es constamment occupé. Voilà, le seul regret en descendant, c'était de me dire, mais j'ai pas pu Ah ouais, ça serait profiter tout du le bateau. contraire. J'aurais été tout le temps envie qu'on me foute la paix. Tu vois. Ah ouais? Ah ouais, non, mais moi, enfin, j'ai jamais fait de croisière, mais quand je suis en Mais moi, vacances, je j'aime bien n'avais être jamais tranquille, fait. peinard et voilà. Oui, mais alors le truc, c'est que si tu te dis je vais être tranquille peinard, tu vas passer à côté de plein de choses. Oui, j'ai compris que le but du croisière, c'est faire toutes les haltes, et quand t'es pas en halte, c'est de profiter de la croisière, mais si tu veux, c'est je me sentirais pressé, tu vois. Alors, mais c'est un peu le sentiment qu'on a eu, c'est de ne pas avoir assez de temps pour se poser. On se disait, ouais, on va rester une demi-journée à la piscine. Et je me suis posé devant la piscine une demi-heure. Ouais, histoire de Tu te couper vois? les pieds, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, il y a tout le temps des choses à faire. Donc, la réservation, elle est faite. Tu as ton application ou sur l'appli, c'est super bien foutu. C'est pour une fois, ben, Disney sait faire des applications. Donc, c'est et coder des applis, c'est bien. C'est T'as rare. une appli par croisière ou c'est une appli générale? Non, c'est une appli générale en fait. Et donc, tu as deux choses. Tu as l'appli qui te dit tu es chez toi, at home. Donc là, quand tu as ton appli at home, il te dit le nombre dans combien de temps tu es à ta croisière, ce que tu peux réserver, tes excursions, tes trucs. Parce que ben, quand tu fais les haltes, enfin les escales, tu peux réserver tes excursions. Est-ce Tu que peux. Picsou, il passe quand tu réserves les Ah excursions? ouais, Il il passe, passe avec Picsou passe Riri, Fifi et et... Loulou. Ouais, Ouais. il Et passe avec tout le monde. Rapetou, Ouais, Ouais. il passe avec Flagada Jones dans l'avion Ah et il passe avec d'accord, tout le monde. avec Nana, tout ça. Ouais. Ah ouais, avec Nana, La avec tout le famille monde. Hein. entière qui vient, qui prend. Ouais, avec Géo trouve tout et tout le monde est là. Hein. Et il trouve tout d'ailleurs. Il trouve tout, ouais, il trouve tout. Et donc t'as ça at home où tu dois préparer ta croisière, en fait, tu dis à l'avance, je vais réserver, par exemple, moi j'avais fait sur le bateau une dégustation de gin. Tu vois? Ah, mais c'est un truc que tu mets pas là, moi. Ouais, mais non, mais c'est incroyable. Ça, pendant C'est 2 heures, moi, tu bois des ça gins. commence. Oui, mais ça Ouais, commence par dégustation, et puis après, bah voilà. Ah ouais, mais c'était ça, et donc on t'explique tout d'où ça vient, de quel truc, et on t'en fait goûter plein. Donc Et c'était t'es en train de vraiment. dire, j'ai pas goûté déjà celui-là. Ouais, mais c'était très bien foutu. Donc, tu as toutes ces dégustations, tu as le spa où tu peux faire des massages, des trucs. C'est vraiment bien fait. Et puis, tu as Est-ce que tu peux l'application. déguster du gin en te faisant masser? Exact, si tu veux, je pense. Il n'y a pas grand-chose qui n'est pas possible de faire sur le bateau. Et puis, tu as la même application quand tu es sur le bateau. En fait, tu es connecté, mais du bateau. Et tu reçois des notifications et tes plannings de ce que tu vas faire et de ce qu'il y a à faire. Donc, si tu regardes, tu dis, ah, OK, maintenant, il y a ça, il y a ça, il y a une soirée, il y a une fête sur le pont untel, il y a... Et donc, toute la journée, en fait, il y a les rencontres personnages partout sur le bateau. Et ça, tout ça, c'est sur ton appli. Et donc, pour ça, c'est vraiment bien foutu. Tu vois que c'est quelque chose aujourd'hui qui est vraiment dans l'air du temps et que c'est ils misent énormément d'argent, enfin ils mettent beaucoup d'argent et beaucoup de moyens dans le développement des cruises parce que c'est ce qui fonctionne. Donc tu vois qu'ils sont vraiment très attentifs à ce qu'ils font et à ce qu'ils proposent comme expérience sur les bateaux. Eh bien, écoute, tant mieux. Donc du coup dans le bateau, donc il y a même du coup une expérience Marvel, voilà, qui existe. Juste pour information, parce que j'en ai parlé en off, en faisant mes recherches, apparemment il y a un Marvel Day at Sea, donc le jour Marvel en mer, qui est que certaines journées sur les croisières sont consacrées du coup aux super-héros Marvel. Encore une sorte de journée spectaculaire, ce qu'ils disent en mer, qui combine le plaisir et la détente d'une croisière Disney avec les personnages Marvel préférés des fans. Donc ça, apparemment, ça a existé en 2019, de ce que j'ai pu voir, donc avant le Covid, et que le grand retour de ce Marvel Day at Sea est revenu au Disney Dream, donc c'est la croisière en 2025, et au coup, j'ai trouvé, il y a comment... Il y a plusieurs dates, en fait, dès lors que tu passais 5 nuits, tu pouvais participer. Tu avais donc assez à cette journée et tu pouvais rencontrer bah, les super-héros, hein, Spider-Man, Thor, Loki, etc., Captain America, etc. Et il y avait des interactions un peu originales avec les personnages. Et il y avait un spectacle ou des spectacles dédiés, alors la Strange Academy, le spectacle des guerriers du Wakanda, etc. Il y a un spectacle Ouais. avec Mickey et Minnie. Faudrait que je regarde sur YouTube, j'ai pas regardé. Ça Mais m'intéresserait. en fait, je suis en train de regarder aussi en même temps. Et effectivement, je pense que ce sont vraiment des croisières spéciales type Marvel. Après, c'est une journée apparemment. Ce que j'ai compris, c'est pas. Oui, mais ils font aussi. C'est Marvel Day, donc c'est jour, il n'y a pas Ouais, de jour Marvel Day. Day, mais ici je vois premières informations. On fait en même temps, on fait du fast-checking en même Oui. temps. Sur. Les éditions 2026 du Marvel Day at Sea et Pixar Day at Sea. Donc il y a les deux. Les Marvel Day at Sea seront disponibles lors des voyages de Disney Magic au départ de Galveston à partir de janvier 2026. Pour les voyages Marvel Day, les croisières avec le Disney Magic de 4 et 5 nuits seront disponibles. Ouais, donc en fait, c'est ça, c'est. Ils font des croisières un peu spéciales Où il y sur a des une journée thèmes, dédiée, en tout cas, de ce que j'ai compris, il y a une avec une journée. journée dédiée, mais c'est vraiment la croisière sur le thème. Donc, ils font des croisières aussi avec des thèmes Halloween. Ils font des croisières aussi avec des thèmes pour Noël. Donc, avec justement une journée dédiée où les gens sont déguisés. Voilà. Donc, Et on peut dire que la croisière s'amuse? Et on peut dire que la croisière s'amuse, effectivement. On peut dire ça. On n'est pas obligé de le dire, mais on peut le dire. Non, non, non, On c'est n'est mieux. pas. Voilà, c'est Ouais, mieux. on est. Voilà. C'est pour ceux qui ne savent pas, qui sont trop jeunes, c'était une série. Voilà. Ouais. Et bien en Et plus, donc. j'aurais aimé bien regarder moi cette série-là. Ouais, le voyage comprendra Marvel Heroes Unit, un spectacle nocturne emblématique sur les ponts supérieurs qui se compose de cascades, d'effets spéciaux et de feux d'artifice en mer. En fait. Dans les croisières aujourd'hui, dans quasiment toutes les croisières, il y a ce qu'on appelle la Pirate Night, qui est souvent quand tu es aux alentours de Nassau, parce que c'était l'île des pirates. Okay? Et donc ils font la Pirate Night où les gens sont déguisés en pirates. Ils te mettent d'ailleurs même des bandanas sur ton lit pour les gens qui n'ont pas de déguisement. Nous, on était full déguisés en pirates. Et la plupart du bateau est déguisé en pirate. Et donc, il y a des spectacles, il y a un feu d'artifice en mer. Voilà. Et ça, c'est une soirée dédiée aux pirates. Donc, c'est la journée et la soirée des pirates. Et d'après ce que je comprends, quand c'est les croisières basées Marvel, tu aurais cette journée Marvel à la place de la journée pirate. C'est pas mal. Pourquoi ils font Ouais, pas les c'est deux chouette. aussi? Ça peut être sympa, ça aussi. Pourquoi ils font Mais toujours un... encore une fois, je pense que c'est pour le manque de temps à bord, parce que si tu consacres une journée pirate, une journée Marvel, en fait, t'as plus tellement d'autres temps pour faire des choses. Et tu dois aller, t'as les restos tous les soirs, t'as les spectacles dans les amphithéâtres le soir. Et donc ton temps, en fait, il n'est pas extensible, ou alors tu dois partir, tu dois faire des trucs de 7 ou 8 nuits. Et ça c'est compliqué, quoi. Donc voilà. J'imagine bien. On va parler de ton expérience Marvel Ouais. sur la croisière. Donc, je te propose qu'on commence par le meilleur, la restauration, bien entendu. Est-ce qu'il y a à Ouais. manger? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un thème Marvel sur le Alors, Disney Wish? Raconte-nous. tu vois un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec la théma de Universal au niveau Marvel. Ben, tu jettes tout ça et tu fais un truc de dingue au niveau du resto. Parce que là, pour le coup, tu y es vraiment. On peut dire que c'est une aventure culinaire? C'est une vraie aventure culinaire, c'est une vraie aventure tout court, avec une immersion qui commence dès que tu es dans le couloir pour arriver dans le resto, qui s'appelle World of Marvel. Et donc le Ça, c'est le nom du couloir est resto, vraiment... hein, World Ouais, of Marvel. c'est le nom du resto qui se trouve... Donc nous, bon, c'était sur le Disney Wish. Donc le resto World of Marvel, donc un très long couloir, très thématisé Marvel et vraiment très futuriste avec Du coup, je suppose que t'es Théma Iron Man, Ant-Man, un thème truc comme ça. Spider-Man, Spider-Man et oui c'était Ant-Man et mais thème vraiment typé vaisseau, tu vois c'est Oui, avec des lumières du technologique, quoi. bleu. Techno-être hyper technologique et tout donc C'était quoi? Chaque partie du restaurant était dédiée à un univers technologique, du genre Ant-Man d'un côté, Iron Man de l'autre, alors Spider-Man de l'autre, tout était mélangé. non Parce en que ça fait s'appelle World of c'est Marvel, donc les mondes de Marvel. ouais C'était quoi mais alors moi différent? je suis pas allé j'ai pas voyagé dans tout le resto parce qu'il y avait énormément de monde. Donc, faut savoir que comment ça se passe. Ils font deux services, un service plus tôt et un service plus tard. Et suivant ton service et l'heure à laquelle tu dois aller, tu as avant ou après le spectacle dans l'amphithéâtre qui est de type Broadway. Voilà. Donc, quand tu arrives, si tu es au premier service. Et qu'après tu dois aller voir ton truc, mais tu dois quand même pas te dépêcher, mais tu peux pas traîner 3 heures dans le resto parce que sinon tu vas rater ton spectacle. Et donc il y avait énormément de monde. J'ai pas fait tout. Il y a un spectacle pendant que tu manges. Non. Alors il y a un spectacle pendant que tu manges dans le resto. C'est un cabaret, ton truc, là. Ouais. Donc dans le resto, donc quand tu rentres, ta table, elle est dédiée. Donc tu as ta table et donc tu as ton serveur principal et ton assistant serveur qui est toujours le même pendant toute la durée de la croisière. Donc il va te suivre, c'est les seules croisières du monde où les serveurs te suivent et c'est pas toi tu vas changer de resto mais les serveurs seront tout le temps les mêmes. Donc le deuxième jour ils savent ce que tu bois, ce que tu veux boire et tout. Donc quand tu arrives c'est déjà sur la table. Si tu lui as C'est dit le premier génial. jour que... Ouais. Si tu lui as dit le premier jour que tu n'aimais pas les champignons, le lendemain, il va te dire les choses où il n'y a pas de Il champignons. va te mettre des épinards, quoi, à la Il va te place, mettre hein, des comme ça. épinards à la place si tu veux. Et donc voilà, c'était. Donc ta table, elle est réservée. Nous, la table, elle était vraiment au début du resto. Donc j'ai pas fait vraiment tout le resto. Ouais, j'ai pour pas déranger justement les gens. Mais il est vraiment très thématisé. Sur chaque table, il y a. Alors, là, il faut que tu m'aides parce que donc, la salle à manger la salle à manger est thématique et une histoire d'accompagnement qui se déroule tout au long du repas. Donc, tu as des écrans partout. avec une histoire qui se déroule à l'intérieur. Donc, c'est sur le pont Une histoire qui se déroule 4, à l'intérieur à l'intérieur du resto. du resto. Ah, d'accord, c'est. Donc tu es à la fois spectateur mais acteur du spectacle Oh, alors. ouais, donc, tu as une interaction qui est vraiment avec les personnages qui sont Ant-Man, la Guêpe, Captain America, Captain Marvel. Ça intègre des éléments interactifs et les passagers sont invités à partager, à participer à l'aventure. Donc, c'est le dîner interactif, Julien. s'appelle Avengers Quantum Encounter. Ah, ça veut dire Quantum Encounter, c'est rencontre quantique. C'est lié à Voilà, Ant-Man. c'est lié à Ant-Man, donc, et En on fait, a sur. les Avengers, ça fait comme le titre d'un comics, en fait. Ça fait Ok. Avengers, rencontre quantique. Quand, je D'accord. suppose que ça met ça te parle de Ant-Man et de tous les Avengers qui vont dans l'espace quantique ou quelque chose comme ça, dans l'espace subatomique. Ouais, et ça se passe pas exactement comme ça devrait se passer. Et donc, à un moment, il y a tout qui tremble à l'intérieur. Ah, ça Comment les tremble, là, lumières. l'histoire, il Ouais, tremble. ça tremble, les lumières s'éteignent. Genre, Puis à un le moment, resto, il tremble. ouais, ça tremble. T'as un peu les tables qui tremblent. Tu vois comme des éclairs parce qu'il y a un truc qui se passe pas, T'es qui se passe vraiment pas. spectateur et acteur, quoi. C'est génial. Ouais. C'est vraiment un dîner spectacle. Julie, réserve une croisière à Wish. Ouais, c'est vraiment un dîner spectacle. Qu'est-ce C'est qu'on mange vraiment. bien? Alors, on y mange, c'est dingue. Donc, il dit, je te résume parce que Vas-y, dis-moi. non, les invités assistent à une présentation d'une technologie héroétonnante, y compris le Quantum Core, qui se trouve être situé sur chaque table du restaurant. Dirigé par Scott Lang et Hope Van Dyne. Oui, c'est en fait c'est l'homme fourmi et la guêpe. Voilà. Mais compte tenu des pitreries dans lesquelles ces deux ont tendance à se livrer, tout ne se passe pas comme prévu. Et bientôt, des renforts arrivent, y compris Captain America, Captain Marvel et Miss Marvel. Mais ce n'est qu'une partie de tout ce qui se passe à World of Marvel. On n'a pas abordé la question de l'expérience pour pas spoiler un peu ce qui se passe dedans. Ah non, Et tu donc, gardes le mystère. voilà, tu as toute cette expérience avec les écrans, avec les lumières, avec tout ça. Et puis à un moment, tu as les personnages qui arrivent dans le resto. Et donc les personnages arrivent dans le resto, ils passent entre chaque table pour faire des photos. Et ces photos, tu les retrouves un peu style PhotoPass. Où tu les récupères après. Donc, tu peux aussi donner ton téléphone pour faire les photos, mais les rencontres, tu as des photographes qui sont avec eux, qui font des plus jolies photos qu'avec ton téléphone. Et la rencontre est assez va assez vite parce qu'il doit passer dans toutes les tables. Donc, mais c'est vraiment vraiment top. Alors, pour ce qui est du repas en tant que tel, c'était très très très bon. Vraiment, tous les repas en général sur la croisière étaient incroyables. Et donc, tu as un choix, une entrée, un plat, un dessert. Mais si par exemple, tu aimes deux entrées et deux plats, tu peux demander de prendre deux entrées et deux plats. Jamais à aucun moment, on va te dire non, vous devez choisir un seul. Mais ma question est la suivante, est-ce que c'est compris dans le prix de ton billet ou c'est Oui. où Picsou il passe et puis bam, il te Non, demande un non, plan non. billet? Alors, dans la croisière, en fait, ce qui est top, c'est que ton budget, tu le connais avant, quand tu réserves. En fait, dans ta réservation, tout est inclus. C'est-à-dire que toutes les boissons sont incluses, sauf fatalement des cocktails qui sont très particuliers et là c'est en supplément. Mais sinon, toutes les boissons sont incluses, les cafés sont inclus, les glaces sont inclus, tous les repas sont inclus. C'est-à-dire que tu n'as absolument rien à payer, mis à part si tu choisis de faire des extras et ou des quand tu fais tes sorties en escale et faire des excursions ou quoi. tu pourrais très bien te contenter de dire, OK, je paye ma réservation et je ne dépense plus un seul dollar à l'intérieur. Même les tips, en fait, tu peux les prépayer, les tips pour les serveurs, et tu les prépayes et en fait, tu n'as plus à les payer après. Voilà, donc, tout est inclus à l'intérieur. Ouais, Génial. c'est top. C'était vraiment top. Et donc, c'était nous le premier resto qu'on a fait quand on est arrivé. Et c'était celui du premier jour. Et j'ai fait vraiment littéralement waouh. Je me suis dit, mais l'expérience, elle est dingue. J'ai l'impression que c'est une expérience. T'as l'air encore ému en t'entendant parler, que ça te manque Ouais. déjà. On dirait que Alors, ça te manque déjà, mais ça. écoute, ça manque déjà. Et j'avais retenu. D'en parler. Parce que les plats en fait qu'ils font sont des choses qui sont aussi assez élaborées dans le sens où par exemple moi je me souviens qu'en entrée j'avais pris une soupe crémeuse de pommes de terre et lardons en entrée et puis J'ai faim. Merci. en plat j'avais pris un steak grillé avec pommes de terre et légumes et Marie avait pris des gnocchis, tomates cerises, brocolis et pesto. Et la petite avait pris poulet rôti Elle mange encore des avec. brocolis, là. Elle mange des brocolis? Qui c'est qu'on mange Là, ça? je sais pas qui mange ça. Mais voilà, poulet rôti avec pommes de terre. Et c'était top. Et alors, les desserts. Il y avait des sundae dulce, leche, brownie, doogh. Et c'était sur Pim avec des proportions qui étaient vraiment décalées. Avec particules de pime, c'était dingue. Mais c'était dingue du début à la fin. Et alors, tu as toujours un petit souvenir dans le resto où tu vas. Ça a l'air génial. Ouais, J'ai envie c'était. d'y aller. Franchement, Ouais. tu m'immerges là. Tu Ouais, mais m'immerges. c'était vraiment, vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc là, pour le coup, la seule petite chose qui moi, je me suis dit, merde, ça manque, c'est à la fin. En fait, j'aurais voulu un endroit avec une boutique dédiée Marvel en sortie de resto, par exemple, accolée au resto. Pas un grand truc, mais pour avoir un souvenir à acheter de cette expérience. Tu vois, par exemple, les choses qui sont sur la. Sur la table, je sais pas comment tu Tu appelles piques un ça. verre, tu piques un verre, vas-y, pouf. Non, je Mais peux pas. attention que tout est thématisé jusqu'au couvert. Il y a Oui, le mais A tu piques des de. couverts, tu piques des couverts, c'est pas grave. Une Ouais, assiette en ouais, papier, ouais. une serviette en papier, tu me Oui, capes. mais les couverts sont gravés de Avengers. Du logo. Ouais, du logo dessus et tout. Ouais, non. Mais justement, là, pour le coup, l'immersion, elle est dingue. L'immersion, Ça elle est donne, dingue. ça donne. Ouais. Et tu peux manger tous les jours ou qu'une seule fois dans ton séjour? Alors, tu y manges. Mais nous, vu qu'on a fait 4 nuits et que tous les jours, tu changes de resto, là-bas, tu y manges une fois et tu as le dîner spectacle une seule fois. Si tu peux, parce que le bateau est très grand et donc il y a environ, je pense, si je ne me trompe pas, 4 500 passagers, plus les membres d'équipage qui sont et environ 1 500, ils ne savent pas faire manger tout le monde tout le temps au même endroit. Donc, il y a le dernier jour, je pense que tu manges aussi, tu pourrais y retourner pour manger. Moi, je n'ai pas été là, j'ai dû aller, mais c'est pas toi qui choisis, c'est eux qui disent tu vas. Moi, j'étais retourné à Arendelle, au restaurant d'Arendelle, où j'avais vu le dîner spectacle uniquement une journée, enfin une soirée. Donc le deuxième soir, je n'ai pas vu le dîner spectacle. C'est une salle de resto normale. Donc il n'y avait pas le dîner spectacle. Mais Normalement, donc quand ton séjour de 5 jours, tu le fais qu'une fois, quoi. tu le fais qu'une fois. Ouais. Et tu réserves à l'avance. Non, ils te C'est pas disent comme quand ça. tu vas. Non, ils te Ah, disent ils te quand tu disent. vas. Ouais. Donc tu réserves ton créneau, donc tôt ou le tôt ou plus tard. Donc, c'est, je pense, 18h30 ou 20h30, je pense. Et donc, tu réserves ton créneau. Et donc, ton application te dit, voilà, tu dois aller maintenant au resto à tel endroit pour telle heure. Et donc, tu vas au Attends, je resto, comprends pas. les Ils te serveurs disent, t'attendent. je vais te faire, ils te Ouais? disent quand tu peux y aller, mais tu dois quand même réserver. C'est bizarre. Non, Ou c'est j'ai pas eux qui te compris. réservent. C'est eux qui Ah d'accord, c'est réservent. eux qui réservent, ok. C'est eux qui te disent aujourd'hui, tu vas manger à World of Marvel et tu vas voir le spectacle Aladdin. Ça, D'accord. ce sera ta journée. Voilà. Ouais, comme tu disais, tu voyais pas le temps passer non plus à l'extérieur comme à l'intérieur de la croisière, quoi. Ah T'as pas non, le mais temps de te c'était. poser, comme tu T'as disais. pas le temps de te poser. T'as pas le temps de te poser. Le seul moment où on s'est posé, c'est quand Victoria est allée à l'Oceaners Club, qui est en fait, en gros, c'est schématique, mais la garderie en fait, pour les enfants, qui est incroyable. Hein, c'est dingue. Et donc, elle est allée là-bas. Et là, on a eu le temps de profiter un peu du bateau parce qu'on était tous les deux. Et elle est restée, on va pas dire, c'était le premier jour qui était le jour où on était en mer. Donc, elle est restée 5 ou 6 heures là-bas. Et c'était top. Donc là, on a plus profité un peu plus du bateau. Mais oui, comme je te disais, t'as pas trop le temps de t'ennuyer parce que bah, le premier jour, tu as ça. Le deuxième jour, tu arrives à 8 heures le matin, tu débarques, on allait sur Nassau. Le jour d'après, on allait à Castaway. Et le jour d'après, on rentrait. Donc, Ouais, donc tes en 5 fait. jours sont passés super vite au final. Ah ouais, mais c'est passé, mais j'ai pas vu passer le temps. J'ai pas vu passer le temps. Et c'était hyper frustrant parce que tu as envie de faire plein de choses, tu as envie de te poser, tu as envie de rien foutre en fait. Tu as envie d'être là-bas et de rien faire. Et t'as Ouais, pas. c'est Disney, tu t'allonges et puis voilà quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Tu génial. veux aller voir les personnages, tu veux faire les rencontres personnages un peu partout. Il y en a partout, tu regardes Alors dans ton justement, on va parler appli. des rencontres personnages Marvel. T'en as qu'à certains endroits de la cruise où ils baladent un peu partout et puis ils rencontrent Mickey et Donald ou c'est Ouais, vraiment alors là, moi, pour le coup, je les ai vus dans le resto. Et ensuite, dans l'application, j'ai vu qu'ils étaient, à un moment, ils étaient dans le lobby où ils faisaient la rencontre, une rencontre avec les gens. Et ils étaient tous là dans le lobby en bas. Donc, et puis il y avait d'autres personnages qui étaient sur les étages supérieurs. Mais il n'est pas impossible que tu les croises dans les couloirs. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te balades et tu croises Captain America dans le couloir qui va rester avec toi, qui va t'accompagner là à l'endroit où tu vas. Et les gens ne se jettent pas dessus. Les gens Ouais. respectent totalement, tu vois. Oui, bah après tu vas me dire, les cruises, c'est un peu plus peut-être accessible d'avoir les personnages, non? Alors, c'est plus accessible. Au début de la cruise, les gens sont très. Il y a quand même pas mal de monde qui attend pour faire des photos. Et ensuite, en fait, tu te rends compte que plus le temps avance et moins il y a de monde. Parce que quand tu as fait ta photo avec Mickey Alors, Mickey qui n'est pas le capitaine sur le Wish, c'est Minnie. Donc Minnie en capitaine et Mickey en marin, ben t'as fait la photo, tu l'as fait, et donc tous les gens voulaient la faire dès le départ. Et donc à la fin, ben il y a quasiment plus personne. Et ils prennent vraiment beaucoup de temps avec les gens pour faire des photos. Donc ça c'est appréciable parce que tu ne te sens pas pressé par le temps. Il faut se dépêcher. Il y a des photographes partout qui font des photos pour toi, donc c'est top. Mais oui, je les ai vus, ils étaient tous à un moment, tous en bas sur une journée, mais tous les jours, ils étaient à un endroit particulier. Tu regardais, tu disais, ah ok, il y a Spider-Man qui est sur le pont 8 à tel endroit pour faire des photos de telle heure à telle heure. Voilà. Ça devait être génial. Ouais, c'est incroyable. Écoute, franchement, pour moi, c'est l'expérience ultime Disney aujourd'hui, la cruise. ça va au-delà des attentes des guests. C'est à faire absolument pour toi. Pour moi, c'est à faire absolument. C'est à faire absolument. En plus, ça change tout le temps, donc tu as tellement de choses à découvrir que voilà, à mon avis, tu peux en faire 50 et tu n'as jamais la même expérience. Et tu as toujours, tu as cette immersion en fait qui est incroyable dans tous les univers que tu vois parce que ben, surtout pour les enfants, l'Oceaners Club qui est la partie en fait qui est un pont complet du bateau, c'est le pont numéro 2 si je ne me trompe pas. Quand tu arrives, le jour où tu embarques, tu as le droit de le visiter. Donc, tu as le droit de D'accord. visiter l'endroit où c'est toutes des salles thématisées sur tous les mondes de Disney. Donc, tu as une salle sur Réponse, tu as une salle tu as des salles Marvel, tu as des salles Star Wars, tu as des salles d'un peu tout, suivant ce que les enfants aiment. Et c'est par âge. Donc tu vas visiter avec eux, tu leur montres et compagnie. Ils te remettent un bracelet pour les petits. Et ensuite, l'arrivée dans ce truc à partir du soir se fait par un toboggan qui est au pont 3. Donc les petits descendent dans le toboggan, ils arrivent en bas, ils sont obligés de se laver les mains avec des trucs qui tournent et se désinfecter les mains, tu Retour du désinfectes les mains Covid, partout. merci. Oui, mais non, en fait, dans le bateau, tu te Ouais. désinfectes tout le temps les mains. Ah Avant de rentrer j'imagine. dans les restos et compagnie, c'est obligatoire. On te donne des lingettes tout le temps désinfectantes. Les petits se désinfectent et tout. Et puis, ils vont dans l'Oceaners Club et il y a des gens qui s'occupent d'eux. C'est pas quelqu'un qu'on a mis là, qui est, à mon avis, un étudiant qui sortait, il savait pas quoi foutre et on va le mettre avec des gosses. Non, c'est des gens qui sont formés et qui font vraiment un boulot de puéricultrice et de pour les enfants. Et donc, ils sont par âge, plus ou moins. Et bon, ils mettent des gens, s'il y en a qui parlent français, ils les mettent ensemble pour qu'ils se comprennent. Tu as des gens qui parlent français pour Victoria parce qu'elle ne parle pas anglais. Et ils font, suivant ce qu'ils veulent, des bricolages, des dessins, des choses. Moi, je sais qu'elle a fait des dessins avec réponse. Donc en fait, les personnages pendant la journée vont dans l'Oceaners Club pour les enfants et restent avec les enfants. T'as Vaiana qui passe 3 heures avec les gosses à dessiner, à faire des bricolages, à Ah s'occuper oui, quand d'eux. même, ça fait un peu beaucoup là, non? Ouais, donc c'est dingue. C'est dingue parce que pour les petits, l'expérience Disney, elle est à son apogée parce que pour eux, ils sont dans des endroits de dingue. Dans un endroit hyper safe, où tu as zéro agression extérieure, t'as pas d'adultes, mis à part les gens qui s'occupent d'eux, et tu as les personnages qui sont avec eux. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Et quand ils ont un bracelet type Magic Band, et quand ils veulent te revenir, ils vont voir les gens qui s'occupent d'eux. Ils disent, moi, je veux aller voir mes parents. Ils t'envoient un message sur ton appli de ton téléphone uniquement pour toi en disant voilà Victoria voudrait vous retrouver. Toi tu descends, tu vas par les escaliers, tu vas avec eux à l'entrée, ils l'appellent et tu dois donner un code secret que tu as donné à l'avance pour pouvoir la récupérer. Même si tu es son papa et que tu dis c'est ma fille, te la donne Le pas code si tu n'as pas le Avengers, code. par exemple. Le code Avengers. Avenger si tu veux. Ouais, c'était Très bien. vraiment ça. Donc c'était vraiment bien. Et là, tu avais une très belle salle justement sur Avengers. J'avais envoyé, je pense, les photos hein, de ça. Oui, tu avais envoyé les photos, j'ai vu. Tu les avais envoyées. C'est dingue. C'est génial. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres Donc. expériences pour les enfants, du coup, si j'ai bien compris? Ouais, alors il y a ça. Et puis il y a la Marvel Academy, si je ne me Marvel trompe pas. Super Hero Academy. Super Hero Academy, qui est l'œuvre sur le pont, un des derniers, je pense, ça doit être le 14 ou un truc comme ça, où tu as tous des parcours type Ninja Warrior pour les trucs, avec à ce moment-là les personnages qui sont là avec eux. et des gens qui s'occupent d'eux aussi, mais je pense que c'est un peu plus, c'est après 10 ans. Parce que l'Oceaners Club, en bas, c'est de 3 à 10. Tu peux en profiter. C'est quoi le but de, justement de ce Marvel Super Hero Academy? Est-ce que ça fait penser à un peu une formation, quelque chose comme ça, Ouais, mais super héros? c'est un peu, ils mettent un peu en situation pour des jeunes ados, et ils font, c'est typé un peu plus ben, Marvel, un peu de sport, des trucs de type obstacle et tout ça. Et puis il y a aussi, ils passent en même temps les films sur les films Marvel. Et les en même temps dans cet endroit-là. Donc tu as des grands écrans où tu peux profiter des endroits Marvel. C'est pas quelque chose que moi j'ai pu voir parce qu'encore une fois, c'est un endroit qui est réservé pour eux. Donc c'est un endroit où tu peux pas accéder à part le premier jour. Donc tu peux pas y rentrer. Même moi, si je veux faire des pompes avec Captain America, je Non, peux pas tu quoi. peux pas. Non, Si je veux faire non. des saltos avec Spider-Man, c'est pas possible non plus. Non plus. Tu pourras faire des saltos tout seul sur le pont numéro 16 après avoir bu 5 cocktails. Alors, Et faire des peut-être mutations de gin. il y a monsieur qui va venir te chercher, il va dire, monsieur, maintenant va falloir arrêter. Tu vois? Bar est fermé, Mais, je ouais, répète, le bar bar est est fermé. fermé. Comment, mais non, je trouve ça, en fait, je trouve ça super bien pour les enfants parce que. Parce que ça les met en sécurité. Donc il dit, voilà, si tu es dans Disney Oceaners Club, le Marvel Super Hero Academy est une aire de jeu éducatif destinée aux enfants. Les jeunes recrues y rencontrent Spider-Man, Black Panther, Ant-Man et la Guêpe et participent à des activités interactives pour développer leurs compétences héroïques. Ils peuvent aussi choisir un costume et s'entraîner à utiliser les pouvoirs. Je suppose qu'ils voient tout le temps les super-héros dans ce genre de Ouais, d'attraction. ouais. Ils sont tout le Ouais. temps là en continu, comme au Ils sont tout le restaurant, temps tout là encore. l'été. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils Et sont quand tout tu le temps balades, là. comme disais, dans le pont, je ne sais plus combien, tu les rencontres. Donc, Ouais, tu les rencontres, tu on peut rends. dire En c'est fait, un tu. pont dédié ou pas? Enfin, je veux dire, c'est un coin dédié où ils sont Non, un peu. ouais, non, c'est pas vraiment un pont dédié. C'est juste que c'est un endroit dédié à cet endroit-là parce que le bateau est très grand, donc c'est une partie du bateau qui est dédiée à ça. Donc, effectivement, t'as les personnages qui sont avec eux. Et donc, ces expériences Marvel au bord du Wish offrent aux fans de super-héros des moments mémorables allant divertissement, interactivité et immersion complète. Oui, enfin, oui, je peux rien dire de plus que pour les fans Marvel aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait une autre. Expérience qui soit aussi qualitative N'a chez rien à Disney. voir avec. Ok, c'est vraiment du plaisir pur. Et d'où le truc où Là, tu tu peux dire que dis. tu as une immersion, une ambiance, une véritable expérience Marvel. Au-delà de la rencontre des personnages, comme tu dis, rien qu'en allant manger, tu as une expérience. Tes enfants ont la possibilité d'avoir une expérience. Et quand tu es adulte, tu as la possibilité d'avoir une expérience aussi, Oui, à parce part que manger, tu vas voilà. l'avoir, tu vas l'avoir au resto, tu vas l'avoir dans les rencontres, tu vas l'avoir dans des endroits qui sont un peu à part. Bon, il y a, je ne sais pas sur quel bateau, il y a un bar Marvel. Sur le Wish, il y avait un bar caché, mais Star Wars, avec D'accord. des Tu l'as cocktails et trouvé? compagnie. Tu l'as trouvé? Ouais, j'ai trouvé, c'était top. Un peu style le bar qu'il y a ben justement à l'hôtel Marvel, c'est ce qui s'appelle avec l'écran, avec les héros Marvel qui passent à l'hôtel Marvel à DLP. Le bar s'appelle, aide-moi. Je sais plus. Tu vois le ADLP, bar le dans bar le. Marvel? Ah bah c'est Ouais, le le bar qui est bar, dans c'est l'hôtel. Skyline Bar. Skyline. Voilà, Skyliner qui est là-bas avec l'écran, c'est un peu ce style-là, mais sur. Aimé sur Star Wars. Et il y en a un dans un autre bateau qui est aimé sur Marvel. Je me demande bien si sur le nouveau bateau qui sort fin d'année, le Destiny, ce sera pas ça aussi. Et donc, il y en a un peu pour tous les âges. Mais vraiment, l'expérience de la cruise aujourd'hui est supérieure à tout ce qui se fait dans les parcs. D'accord. Mais en tout cas, tu te dis que tu referais. Enfin, pour toi, il y a une vraie expérience Marvel. C'est ça que je sais dire. Même sur Ouais, une il y a croisière, une... t'es pas obligé d'aller à Oui, l'Avenger Campus, du t'es tout, pas obligé d'aller du tout. à Universal Studios. T'as une vraie expérience au-delà des Ouais. attractions, en fait. Oui, parce que en fait, ça dépend un peu de l'attente des gens. Est-ce que pour quelqu'un, pour une personne, l'expérience c'est quoi? C'est avoir une attraction, on va dire type web, ou avoir cette expérience d'immersion type resto. Moi, pour moi, une vraie expérience, c'est plutôt le type resto avec les personnages qui viennent et compagnie, plutôt que le type de web qui est en fait une attraction. Encore une fois, tu changes ce qu'il y a à l'écran et c'est plus Spider-Man, tu fais autre chose, ça fonctionne. Et puis bon, je Tu sais que vois? moi j'adore les rencontres personnages de super-héros, Voilà. interagir Voilà. avec les performeurs, j'adore ça. Je préfère ça Voilà. largement à faire que des attractions, donc du coup, Ouais. ça donne Et envie. en fait, ce qu'il y a aussi, je pense que les gens font énormément. Parce que les gens qui mettent de l'argent pour une cruise, il y a tellement de bateaux qui sont beaux. Prends les bateaux de la Royal Caribbean, qui sont incroyables, qui sont les plus grands bateaux du monde. Ben, les gens qui veulent mettre à argent équivalent, ils vont peut-être aller sur un autre bateau. Les gens qui sont là sont des gens qui sont passionnés à la base. Donc tu Tu te le ressens? retrouves dans Tu le un... ressens quand Ouais, tu oui, ressens très quand tu vas fort. sur le Wish, vu que c'était sur Wish, tiens, ils vont voir Ouais, Marvel, c'était sur le c'est Wish. des passionnés Marvel, quoi. C'est pas juste pour faire plaisir aux Oui, gosses, mais quoi, tu même vois. au-delà de ça, les gens qui sont sur les bateaux de Disney, sont des gens, t'es un peu en vase clos comme si tu étais dans une grande famille. Dans une grande famille Disney. Et tu as l'impression que tout le monde se comprend dans ce qu'ils font. T'as pas les gens qui vont là-bas parce qu'on doit aller une fois et donc faut se dépêcher, sauter sur les personnages, sinon on les verra plus. Non, tout est calme. Il y a beaucoup de monde, hein, mais tout est calme. Il n'y a jamais de bousculade, il n'y a jamais de stress. Tout le monde parle avec tout le monde est sympa, tout le monde partage en fait la même passion. Donc ça, c'est juste incroyable parce que tu es dans une file où t'attends, t'as un mec qui te parle et ah, tu viens d'où? Ah ben moi je viens de là et toi tu viens, ah ben moi je viens de là, tu fais c'est ta première cruise et tu discutes en fait et tu parles la même langue. C'est génial, c'est La même passion, incroyable. la même passion, La même passion, la même passion. génial, Et génial. ouais, Mais dans un c'est lieu top. plus clos, comme tu dis, dans un vase clos, et pas dans un parc où tu peux rencontrer, j'ai envie de dire, n'importe qui. Là, tu as vraiment, de ce que je Mais comprends, le une niche, guest vraiment que lambda les qui va fans aller une Disney fois sur... sur le parc. Exactement. Ouais. C'est vraiment une niche, quoi. Exactement. Ouais. C'est une niche et donc, fatalement, ben, tu as des gens qui sont plus passionnés, qui vont être plus, je pense, respectueux de ce qui se passe, qui vont s'intéresser à l'univers de ce que tu proposes. J'ai rencontré des gens qui étaient là-bas et c'était... La dame, elle avait fait plus de 40 cruises différentes. D'accord, ça fait beaucoup quand même. Alors, ça fait beaucoup, mais il y a des gens, leurs vacances et tout, c'est ça, en fait. Et D'accord. aujourd'hui, honnêtement, si j'avais à choisir entre me dire, OK, cette année, je dois faire un choix et je fais une cruise ou je vais à Disney World, j'hésiterais. À ce point? Ouais. Je Ouais, pense qu'on peut à ce dire point que parce à que... bord du Wish, vous avez une immersion totale de l'univers Marvel. Je Ouais, pense qu'on peut résumer exactement. ainsi. Tu peux... Voilà, pour tous les auditeurs qui écoutent, vraiment, si vous avez l'occasion de le faire, même pour toi, Benji, si tu Je as vais un le jour faire, ouais, je l'occasion vais. de le faire, Ouais. il faut le faire, ça vaut le coup. C'est un coût également parce que... Oui, c'est un Faut coup. pas, c'est un coût, C'est pas. ça coûte des sous. Mais ça les vaut totalement parce qu'en fait, quand tu regardes, tout est inclus. Donc tes Oui, c'est repas ça, ce sont que je vois, inclus, c'est. ta bouffée est inclus, tes trucs sont inclus. Donc au final, quand tu regardes, en fait, ça revient moins cher de faire une cruise, mis à part le voyage, parce que y a le voyage fatalement qui coûte des sous, même s'il y a des cruises qui partent d'Europe maintenant. Donc, ça coûte Ouais, moins mais je cher de crois faire pas une que cruise c'est que celle d'aller où à t'as Star DLP. Wars ou Marvel, je crois pas que ce soit celle où Mais t'as dit. peut-être avec les nouveaux bateaux qui vont arriver, peut-être, ça, je sais pas encore te dire, mais ça revient moins cher que d'aller à DLP. Ben oui. Oui, effectivement. Ben oui, si tu prends le coût de DLP à nous, si je Et prends. avec la bouffe, la boisson, tout inclus, quoi. Mais bien entendu, tu prends. Ici, pour Ambré, j'ai réservé une cruise pour 2026 pour le mois d'avril sur le nouveau bateau qui va sortir, qui s'appelle le Destiny et qui est lui pour le coup. Axé vraiment sur Marvel. Je deviens quasiment fan de Marvel. Donc pour le coup, ils Tu vas avoir du vont Marvel partout après. Marvel, je Marvel, vois du Marvel. Marvel par Marvel partout. Et donc ils ont j'ai réservé là-bas le 5 nuits. Donc c'est 5 nuits parce que je voulais avoir une nuit de plus et un Et le jour en départ, c'est mer en où? plus. Là, c'est Fort Lauderdale, donc c'est pas loin de Miami. Donc c'est pas Port Canaveral, c'est Fort Lauderdale, c'est l'autre. Et donc celui-là, sur le Destiny, on est à 5 nuits et on est à 4 000, un peu moins de 5 000 euros pour nous trois, tout compris, avec les escales et tout compagnie. Et je suppose c'est la chambre avec terrasse, je suppose, c'est ça, non? Chambre avec terrasse, Ouais, quand même. Chambre avec terrasse, donc c'est Deluxe Ocean View avec véranda. Où on a un peu plus de place. Mais fais 5 nuits à DLP avec la bouffe, avec tout, avec le petit déj, parce que le petit déj, tu as des buffets partout, avec de la bouffe toute la journée, avec les expériences à l'intérieur, les dîners spectacles, les spectacles type Broadway. En fait, t'es moins cher qu'un séjour à DLP. Ah bah non, Tu peux le t'as tout calculer comme tu veux. en plus d'avoir l'impression d'être un privilégié, si j'ai bien compris. Oui, et tu vas dans des endroits qui sont complètement dingues, parce que Castaway Cay, c'est juste incroyable, hein. C'est l'île privée de Disney qui se trouve dans les Caraïbes, où il n'y a que les bateaux de Disney qui peuvent accoster. C'est le paradis, hein. C'est le paradis sur Terre. Et là aussi, tu débarques, tout est compris. C'est-à-dire que tu as des bars, tu vas te chercher à boire, tu vas chercher à manger, tu as des barbecues pendant la journée pour les gens qui sont sur l'île, et il n'y a que les passagers du bateau qui peuvent y aller. Il y a des gens qui y habitent parce que c'est les gens de Disney qui sont saisonniers pour que l'île soit tout le temps en parfait état. Je suppose que c'est propre de partout. Ah ouais, mais c'est Même juste l'eau est génial. claire. Même l'eau est propre. Mais je pense qu'ils nettoient l'eau. Non, non, mais c'est incroyable. T'as des transats partout. L'expérience, pour moi, elle est dingue. Et donc, quand tu es sur le bateau, en fait, tu peux. Ils font les choses bien, Disney. Quand tu es sur le bateau, tu peux acheter. Ils appellent ça un place order. Tu payes $250 et ça te donne une réduction de 10% sur ta prochaine croisière valable pendant 24 mois. Donc, tu payes en fait une fois $250 et puis tu réserves ta prochaine croisière tranquillement et tu as 24 mois. Et si tu ne les fais pas, ils te les remboursent. Mais au moins, ça te met Oh. un pied. Ouais. Donc, on l'a fait on a réservé. Et donc, sur le Destiny. Destiny en fait est un des nouveaux bateaux qui va sortir avec le Treasure, qui est en fait le même que le Wish. Donc ils ont trois bateaux, le Wish, le Treasure et le Destiny, qui sont les mêmes bateaux. C'est des bateaux frères et sœurs parce que ils avaient racheté ça si je ne me trompe pas, à une entreprise chinoise ou coréenne qui devait faire des bateaux, qui a fait faillite. Les bateaux étaient fabriqués en Allemagne. Ils ont pris les bateaux qui étaient déjà en construction et ils les ont transformés pour faire des bateaux Disney. Mais c'est les trois bateaux les mêmes, qui sont thématisés différemment. Le Wish, c'est, il y a toujours la figure de proue, ses réponses. Et sur le Destiny, c'est Spider-Man, avec les petits Spider-Bots, avec des masques de plongée, qui sont tout mignons. Il y a toujours dans le hall une statue du personnage emblématique. Et là pour Je suis le. dessus là, parce que tu m'as envoyé le lien, c'est Ouais, magnifique. et là Le pour Spider-Man le. avec les petits Avec les Spider-Bots Spider. Ils sont et le magnifiques, hein. Spider-Bot avec le masque de plongée, le tuba, c'est Ils énorme. sont C'est très incroyables. beau ça. Et là, Et là, ce t'as une sera expérience Black Marvel et Panther. Star Wars. Hein. T'as vu? Il y a une expérience Ouais. Marvel et Star Wars, quoi. Exactement. Phantom Donc ils disent Mansion, Black même Panther. les Irréductibles, les Indestructibles, les. Oui, c'est ça, les Indestructibles. Ouais. Ah ouais, t'as même Hercule, un spectacle Hercule. Oh, Ouais. c'est géant. Donc, ouais, non, ça va être dingue. Celui-là va être vraiment thématisé encore plus Il y sur a même Marvel. un sorte de, je crois que c'est un bar, ça doit être un bar Pirates des Caraïbes, quoi. Et alors, il va avoir un bar Et Pirates des Caraïbes. même un bar Doctor Strange, mec. Ouais, ben ouais, voilà, c'est ça que Oh la j'allais te dire. vache. Et il y aura une suite Je veux y aller. dedans qui sera donc suite de luxe approuvée par Tony Stark. Donc c'est une suite sur plusieurs étages qui se trouve sur le bateau avec une déco qui est type Tony Stark qui est complètement dingue. Bon après celle-là je pense qu'on va être sur un prix qui va être dingue aussi. Oui. Mais voilà, le client séjournant dans la suite Destiny Tower et tous les hébergements au niveau concierge, donc c'est ce qu'on disait, hein, bénéficieront d'un niveau supérieur de services dédiés et d'une zone avec des équipements exclusifs, y compris le salon, la conciergerie, la terrasse privée. Le salon sera équipé d'œuvres d'art fantaisiste qui célèbrent les Avengers, les héros les plus puissants de la Oh, Terre, oh inspirés la vache. du style Ça donne. sophistiqué de leur base de Manhattan. Putain, Et donc, tu auras. si je gagne au loto, mec. Ah, mais écoute, je te le souhaite, je te le souhaite. Donc, il est temps de sauver la galaxie. Le Destiny proposera également deux expériences préférées des visiteurs du Disney Wish et Treasure, inspirées des histoires de l'univers Marvel. Donc, le World of Marvel, l'expérience culinaire. Ici, dans le Disney Ocean's Club, c'est la même chose avec le Marvel Studio Academy. Marvel Super Hero Academy. Donc celui-là, en fait, le Destiny va être beaucoup plus encore typé Marvel. Oui, et puis là, tu auras une expérience au-dessus que celui-là que tu as connu, du coup, si j'ai bien compris. Ouais. Encore au-dessus au niveau Marvel, parce que celui-là, il est vraiment typé Marvel. C'est génial. Ouais, Merci. ça va être. C'est top. C'est top. Et celui-là, on le fait fin avril. Fin avril. Et j'ai regardé, il y a encore de la place, Benji. Si tu Écoute, je suis en train de regarder. Du coup, c'est pas une blague, je suis en train de regarder. Je Ouais, suis en train de regarder. tu regardes Je suis en train de celui-là, c'est regarder. Je suis en celui de train la de fin, cliquer c'est là en même temps. Je suis en train de regarder. le 5 nuits, qui va à Cozumel. Donc il fait Cinq Cozumel et nuits. Castaway QA. Cozumel, Mexico. Ouais. Ouais, je suis dessus. Oh. C'est Un 25 au salon 31 de avril. divertissement. Ouais, c'est ça. Ouais. Un salon de divertissement situé au centre, inspiré des puissants sorciers et artefacts mystiques Alors du coup, de non, mais s'ils Doctor sont pas en Strange de vacances cette Marvel période-là, ils et sont en une vacances. suite. Ils sont en vacances du 11 au 16. Moi, ils sont. 11. Ils sont quand en vacances, vous, les Moi, elle est belles? en vacances. Elle est en Pas moi. vacances, moi. Le Pas 22. moi. Alors nous, c'est la semaine du 11 avril. Ah zut! Ah là, par contre, flûte à bec, là, tu vois. Ouais. Mais bon, il y en a d'autres, hein. Ils en font toute l'année. Oui, je regarderai s'il y a d'autres vacances. Non, mais là, c'est bon. C'est bon. Julie, on fait une C'est bon, j'ai croisière. trouvé. On fait une croisière. Voilà. Elle rigole. Et je te jure Ouais, pas, elle je crois. rigole, mais elle se rend pas compte que tu viens de réserver. Voilà. Bon, en tout cas, Non, immersion mais totale à bord, en tout cas. voilà. En tout cas, immersion pour clôturer sur le chapitre de la cruise. Et en Immersion plus, avec totale. Destiny, ça va être encore l'immersion à son Encore un niveau paroxysme. supérieur. Ouais, encore un niveau supérieur. Et aujourd'hui, franchement, la cruise, c'est quelque chose qui me botte vraiment, vraiment. Il y a pas, je fais Tous pas ceux que je trois connais jours qui ont sans. goûté à la cruise une fois, ils disent, ils, Alors qu'il y en a, tu sais, qui réservent à Disney World, ils vont dire, bon, moi, je vais réserver d'ici 2-3 ans, tu sais, histoire d'eux. Ouais. Mais tous ceux à qui je parle d'une crew, ils ont réservé. T'es assuré que allez, l'année d'après, ils y retournent. Ah ouais, mais ça va même au-delà de ça, c'est que tous les 3 jours, je regarde pour me dire, putain, je ne regarderai pas pour partir. Qu'est-ce que tu dois être dépaysé aussi, tu vois. Ah oui, mais en fait, t'es coupé du monde. Et t'es aussi coupé du monde au niveau portable et tout. Ça aussi, ça te change. Ah bah attends, si tu vois des Avengers, tu cherches même pas. Non, c'est... Portable, il est posé dans la chambre et tu... Oui, mais même, t'as pas de réseau. De toute façon, on peut faire ce que tu veux, t'as pas de réseau, donc... T'es ouais, au milieu de l'océan. Il y a un Wi-Fi, mais il galère un peu. Et puis ça coûte 30 balles la journée. Donc, Non, il te faut payer. Ouais, le si, Wi-Fi. Si. Ouais. En fait, tu sais, t'as accès à ta messagerie WhatsApp, mais uniquement la messagerie sans photos, sans vidéo. Et si tu Ah veux oui, c'est travailler ou vraiment quoi. Le nombre de données, tu Oui. peux pas. Non, si tu veux travailler au truc, tout le Wi-Fi est payant et ça coûte cher. T'avais pris le wifi, toi? Ben oui, parce que j'ai bossé tous les matins, mais voilà, mais ça coûte cher, mais j'étais vraiment bien déconnecté quand même. Quand même, ouais. Ouais, donc ça c'est vraiment top. Et aussi les spectacles, un peu comme Together, interdit de filmer. Donc tous les Oh, ça, c'est spectacles pas plus interdits. mal. Ça te C'est permet génial, de... Ouais, c'est c'est pas plus génial. mal. J'avouerais que C'est là... génial. Et puis de temps en temps, ils vendent des petits trucs un peu Est-ce qu'il y a partout des boutiques Marvel d'ailleurs? Ce qu'on n'en Non, il parle n'y a pas, pas de mais. boutique vraiment Marvel, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que ça manquait. Après, tu avais des endroits Marvel et c'est de là que vient ta gourde Oui, que tu m'as Captain offert. America, ouais, que je Tu t'ai sais que j'ai mis offert. ce week-end la gourde. Ah ouais? Ouais, j'ai mis ce La week-end, gourde je l'avais sur Captain le dos. America Je l'avais sur bouclier le qui dos. était. Je Ouais. Et il y l'avais avait quoi sur le dos. dedans? De l'eau. De Bien l'eau. entendu. De l'eau fraîche. Ouais. Voilà. Et. Ah, c'est une blague en plus, c'est Ouais, vraiment. non, mais je crois. Ouais. Mais c'était. Non, il y a des endroits, ils vendent des petits trucs, donc c'est sympa. Donc voilà, celui qui peut, immersion sur les bateaux, on est sur un niveau très très élevé. Très très élevé. Bon, bah écoute, enfin, j'ai plus envie d'y aller qu'à Universal, tu vois. Ben, si tu dois choisir, il n'y a pas photo. Ouais. En fait, des attractions comme tout à l'heure, par le coaster qui m'a tiré, mais là. Ouais. Ouais, à Et voir. si Mais juste et si le ma... plaisir de rencontrer les personnages, ça doit être génial. Ouais, c'est top. C'est Juste le top. plaisir. C'est top. Et le calme du truc, les gens, Et c'est tellement. le restaurant, donc t'es acteur du restaurant, là, c'est parfait. Ouais, oui, mais en fait, sur la cruise, c'est vraiment, t'as l'impression, en fait, d'habiter dans un monde Disney. Avec Gamora? Ouais, avec tout ce Avec que. Black Oui. Widow? Oui, avec tout le monde en fait. Tu as l'impression de tu te lèves le matin, tu vas à la je sais pas, tu dois aller à la conciergerie pour aller demander s'ils peuvent te remettre un peignoir en plus, faire une connerie. Et en fait, tu croises Pluto qui t'accompagne. Mais Pluto est tout Génial. seul. Tu vois dans le couloir, dans ton couloir de Ouais. toi, de ta tu te dis mais c'est genre Pluto vient de se lever. Non, il s'est En même perdu temps que dans son toi, il s'est couloir. perdu, il doit aller aussi. Et donc c'est top. Et puis après, tu as toutes les petites choses avec les gens, s'ils suivent un peu ce qu'ils font sur la cruise. Tu as aussi le fish extender qui sont les cadeaux que les gens s'offrent sur les bateaux. Tu as, moi, à un moment, Victoria était dans le truc, il y a une petite, elle vient, elle lui donne un collier. Et elle lui dit, tiens, c'est pour toi. Mais sans Non, raison, tu vois? sans raison. Sans raison, comme ça, tiens, parce que tu. Parce Bah, que t'es tiens, je te. mignonne et puis Bah, t'es ouais, rigolote, tiens, quoi. je t'offre un collier. Et alors, en fait, tous les gens sauvent des choses. Et donc, le On truc, peut c'est de offrir... décorer Il en. nous offre pas un super-héros par hasard, non? Tu peux, peut-être, oui, si tu es vraiment mignon, peut-être, ils vont t'offrir un super-héros. Ou si tu fais ton mini. Si tu fais ton mignon, mais par exemple, il y a un grand truc, c'est de décorer les portes de Ah, un la peu comme porte de les ta chambres cabine. à Disney World, ce que font les gens. Ouais, mais ça, là, on est dans un niveau supérieur de chez supérieur, parce que Ouais. quand tu décores ta chambre, c'est pas pour rire, hein. Nous, on avait tout préparé parce que toutes les chambres, en fait, sont aimantées, les portes. Donc, j'avais tout préparé, tous mes trucs. Et Il faut savoir qu'il y a des gens, tu sais pas pourquoi, font les tours, le tour des couloirs, et si ta chambre leur plaît, ta porte leur plaît, nous on avait mis des lumières et tout sur la chambre, sur la porte, ils te mettent des cadeaux accrochés à ta porte. Mais pour rien, gratuitement. Ils te mettent des cadeaux et ils te mettent un petit Génial. autocollant ou un truc en disant best porte, best door ever, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Tu te dis, c'est juste T'as rien demandé, tu incroyable. t'as ça. T'as rien demandé, tu rentres le soir et tu as des cadeaux accrochés à la porte de ta chambre. Et C'est génial. ouais, c'est top. C'est tellement. Est-ce qu'il y a J'essaye des portes de. thématisées Marvel, non? Alors, je vais t'avouer, j'ai pas fait le tour de Non, toutes c'est les dommage. portes parce que c'était, il y a quand même tous les couloirs et tout, c'est long. Mais j'essayais de regarder si je trouvais une photo de ma porte pour te l'envoyer. Mais je pense que je vais. Ah, Bon, en tout oui, cas, j'ai. on va Voilà. dire immersion totale encore une fois, agréable. Et puis bah du coup, tu nous parleras ton séjour à Disney Wish. J'ai essayé de voir pour venir en même temps que toi et je te confirme, les filles sont pas en vacances. Ah Donc c'est merde. pas possible, sinon je serais venu avec toi. Je te jure que je suis à deux doigts de cliquer là. Ouais. Ouais, Bah c'est pas une blague. écoute, Donc, on mais là, peut, c'est pas tu possible peux. parce que les vacances, c'est pas en même temps. S'il faut qu'on se trouve le même créneau. Voilà. Ouais, je Je t'envoie les un pense peu qu'on a des fait le trucs de tour quoi. On a du fait le tour, ouais. Disney. On a fait le tour, voilà. En tout cas, expérience immersive. Et voilà. Et enfin, dernier, donc tu as été à Hong Kong Disneyland récemment où tu as pu avoir encore une fois, une expérience Mais Avengers oui. Marvel. Hein, Alors, une expérience, sachant que ça n'est pas un Avengers Campus comme nous, parce que nous, c'est un land entier qui est consacré à comment. Ah, ça fait bing bing, donc du coup, j'ai reçu ouais, tes photos. t'as reçu les photos, tu verras ma porte Je regarde ta et porte. tu regarderas La ma porte des. porte comme elle est peut-être très belle. La porte des chiottes, ça. Ouais, C'est toi qui as fait ça? ouais. Ben voilà, alors, juste pour vous dire, Jean, j'ai la photo. La porte est recouverte de. Je pense que c'est des plaques, c'est ça? Alors, c'est toutes des choses que j'ai fait à l'imprimante 3D, en fait. Ah là, c'est ça, on dirait des plaques. Il Ouais. n'y a plus de place sur la porte. Voilà, il y en a partout. Ouais. Voilà, il y a Mickey Steamboat. Et du coup, je vois pas où est le truc sur Best Port Ever. Non, mais ça, c'était. Ça, c'est quand je venais de la faire, en fait. D'accord. Bon, Ça, je voilà. Bon, venais bah, de la faire. du coup, faut savoir, c'est que. Il disait tout à l'heure qu'il y avait trois valises pour son épouse, et en fait, il y en a une qui est Une, consacrée deux. à ça. Au port, ouais. Et tu vois, j'avais fait les name tags avec les noms. Ouais, c'est génial. Ouais. Est-ce qu'il a fait une name tag? Ouais, putain, bien joué. Et J'avais Olaf même en bas. fait. Et C'est Olaf, et génial. voilà, et On Pixar a et tout. carrément le drapeau belge, hein, les gens. Ah ouais, bah on a mis le drapeau belge dessus, hein, parce que. Et donc, non, c'est cool. Y a très Et Pixar, donc. ce que je vois, il y a Toy Ouais, moi, je Story. suis très Pixar. Hein, Ouais. ouais. Il y avait, et Ouais, j'ai bah. fait la photo de la porte, c'était mon voisin qui avait la porte de Haunted Ouais. Mansion. Automation, ouais, parce que j'ai la porte du voisin. Ouais. Oui, bah, je pense que c'est comme toi. Ah oui, il y a carrément des luminaires. On dirait des Ah ouais. supports 3D faits avec des luminaires en plus, quoi. C'est Ah ouais, dingue. mais les gens sont, c'est pour celui qui va le plus loin. Ouais, Ouais. donc c'était. Donc voilà. Et ça, Bon, on a fait un génial, peu c'est le tour. génial. On a Voilà, fait le mais tour moi, tu. On de. a fait le tour. Et donc de là, on est parti. Et à Ben, Hong pas de Kong, là, on est sinon. parti à Tokyo. On est parti à Hong Kong. À Hong À Hong Kong, Kong. et c'est pas comme nous, un campus entier, un land entier, c'est une zone dans un land. Donc il y a Tomorrowland, c'est l'équivalent de notre Discoveryland, et il y a une Ouais. zone qui s'appelle la Stark Expo, ce que j'avais expliqué en introduction. Pour t'introduire, j'avais expliqué que Ouais. c'était. Voilà, Stark Expo, et c'est dédié à l'univers Marvel. J'ai plus l'impression, en regardant un petit peu, c'est plus dédié à Iron Man et à la technologie, et à Ant-Man et sa technologie. Y a, alors, de ce que j'ai pu voir, tu vas nous expliquer. Donc ça a pas l'air d'être une grosse zone, tu vois, quand on regarde sur le plan. On dirait une petite zone dédiée, quoi. Ouais. Alors, j'avais pour le boulot. J'ai dû partir, enfin j'ai dû partir, c'est un choix, mais je suis parti à Hong Kong pendant un peu plus d'une semaine. Et je me suis dit, parce que je partais avec plusieurs collègues et des potes, parce que il y avait une foire spéciale là-bas pour le boulot. Et donc les autres, oui, on va partir, on part tous à Hong Kong, ok. Et je dis, mais les gars, moi je vais partir à Hong Kong, mais. Je vais en profiter, je vais aller à Disney. Et je vais aller à Disney tout seul parce que moi, mes potes, Disney, ah, tu vas encore à Disney, enfin, on connaît tous le truc. Donc, Ah, je tu me n'as qu'à suis. lui répondre comme je dis toujours, et toi tu vas encore à la plage, tu vois. Mais oui, mais c'est exactement ça. Mais je dis, moi, je vais partir à Hong Kong. On va partir, et moi, quand on arrive à Hong Kong, je vais à Disney deux nuits. Et je pars tout seul. Et puis, mon meilleur ami qui partait avec moi, il me dit, bah, mais moi, je viens avec toi parce que ça va me plaire. J'aime bien, on va aller ensemble. On est arrivé en fait à Hong Kong, on a pris un taxi de l'aéroport qui nous a amené à Disneyland, à Hong Kong Disneyland, qui est littéralement à un quart d'heure de l'aéroport. Et là, on a pris un hôtel qui s'appelle Explorer, ce qui est en fait une copie conforme dans le lobby de l'hôtel qui se trouve à Disney World. Sauf que la nuit coûte 200 $, enfin l'équivalent de 200 $, et qu'il n'y a personne, Ouais, tellement 180 c'est. balles, quoi, un truc comme Ouais, ça. c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est dit, on va arriver la fin de journée. Donc, le premier soir, on va aller dans le parc. On va aller voir le spectacle du soir sur le château, qui est un des plus beaux de tous les parcs Disney. Et le lendemain, on fera la journée complète au parc. Et en fait, quand on est arrivé là-bas, ce qui m'a choqué, c'est la taille du parc. C'est petit. C'est vraiment tout petit. Mais c'est très mignon et c'est vraiment très détaillé. Donc, le Main Street est juste magnifique. Ça fourmille de détails partout. Je pense qu'Olive, il serait comme un dingue parce que tellement c'est beau. Lui qui est fan de Main Street, c'était voilà, bon, je passais des heures là-bas à regarder. Et en fait, quand on est arrivé, il y avait un spectacle Marvel avec des drones. Donc, vraiment, le jour où on est arrivé, Génial. c'était ça, Génial. ouais. Comme le même type qu'on a eu nous à notre parc ou pas Oui, du un tout? peu. Alors, c'est un peu, je veux dire, le même type, oui et non, parce que je pense que l'histoire est différente. Donc, il s'appelle John the Mission Scarlet Sky. Donc, c'est un spectacle nocturne de drones contre la sorcière rouge. Ah oui, d'accord. Donc un spectacle de drones, c'est les drones contre la sorcière rouge, c'est pas comme nous on a Ouais. eu Non, c'est pas le même la robe spectacle de que Quatre celui qu'on Reines et la avait, sorcière nous. rouge contre Agatha. C'est pas le même Non, style. non, non, non. C'était, donc, il y avait le spectacle de drone qui était vraiment sympa. Donc, en arrivant, on a vu le spectacle de drone et ensuite, on a vu le spectacle du soir. Et oui, comme tu disais, c'est en fait une zone qui se trouve dans le Discovery Tomorrowland ou Discoveryland. Je ne sais plus si c'est un des deux, dans le Tomorrowland. Tomorrowland, il n'y a que chez nous que c'est Dans Discoveryland. le Tomorrowland. Faut déjà voir que le Tomorrowland est déjà petit en soi, mais il y a la moitié qui est prévue pour l'univers Marvel. Oui, mais j'ai l'impression que tu as, à part Iron Man enfin, on Mais parle d'univers Marvel, j'ai plus l'impression que c'est l'univers Iron Man concentré sur Iron Man et sa technologie, et Ant-Man et sa technologie, que vraiment un univers Marvel élargi, tu vois. alors, comme c'est pas grand du tout, comment il n'y a pas 1 million de choses. Donc on s'entend bien. Il y a les attractions, l'attraction Iron Man Experience que j'ai faite. Alors, littéralement, l'attente, c'est un truc de dingue parce que je m'étais dit, ouais, je vais faire qu'une journée, donc je vais prendre un pass spécial pour passer encore une fois, devant tout le monde pour pas attendre. La plus grosse attente dans les attractions, c'est de faire les files pour arriver jusqu'à l'attraction. Tu n'as jamais plus de 5 minutes dans chaque Ah oui, attraction, mais t'avais vraiment personne. tu n'avais personne. Même Non, avec ta passe, avec ton passe ou sans le passe? non, sans passe. Je ne l'ai pas utilisé, le passe du tout. Ah oui, donc t'as pu faire la file d'attente, etc. Ah oui, j'ai fait toutes les files d'attente qui sont très très belles, qui sont vraiment très chouettes, avec des détails qui sont bien. Donc, Le Iron Man Experience, c'était vraiment. On voit, il y a tous les vaisseaux et tout qui sont dans la file d'attente qui sont très très bien faits. Et là, clairement, c'est un peu. En gros, je schématise, c'est un Star Tour. Ils n'ont pas de Star Tour chez eux. C'est un Ouais, Star du coup, Tour. c'est un simulateur 3D où tu es à bord d'un Ouais. vaisseau, quoi, je suppose. Ouais, c'est ça. L'Iron Exactement ça. Wing, si je me trompe pas. Ouais, c'est de l'Iron Wing. C'est l'Iron Wing. Ouais. Et Est-ce que c'est comme Star Tour, tu as plusieurs versions ou tu n'as qu'un seul alors, t'as qu'un seul je film? pense que tu n'en as qu'un seul qui se passe dans la ville de Hong Kong. D'accord, donc c'est un vol au-dessus de Hong Kong, quoi. Ouais, Et j'ai ouais. compris, c'est parce que. Alors, c'est quoi? C'est Hong Kong qui se fait attaquer par Hydra ou un truc comme ça, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est Hong Kong qui se fait attaquer. Et t'as Iron Man qui vient défendre. Et donc, t'as tout le je veux dire, l'Iron Wing qui bouge. Et ouais, ça explose de partout. C'est bien fait. Comme je disais, moi, je suis pas très fan de tous ces trucs en 3D. Donc, mais là, pas de sensation d'être J'ai malade vomi du trois tout. fois, Non, mais non, c'était bien. c'était vraiment chouette. Mais encore une fois, on est arrivé dedans. Il y avait personne. Mais genre dans l'attraction, on était 5. Ah oui, ça vaut le coup quand même, quoi. Ouais. Donc moi, c'est un parc que j'ai vraiment bien bien aimé. C'est un peu déroutant parce que t'arrives et tu dis waouh, il y a personne, c'est spécial. Mais oui, c'est très calme. Donc j'ai bien profité de cette attraction. Alors, il y a une deuxième attraction, c'est Ant-Man et la Guêpe, Nano Ouais, Battle. ouais. Alors, Alors, je serais curieux de savoir c'est quoi, raconte-nous, parce que j'arrive pas trop à comprendre sur le site. en gros, c'est un buzz. C'est un buzz l'éclair. Bah, du coup, Donc, t'es dans un. je ne rêve le plus maintenant. C'est dommage, je Voilà. pensais que c'était un Fly Tu... Force, un truc comme ça, donc c'est Non, un buzz. non, non. C'est entre eux. L'art de gâcher le moment, merci. Ouais, mais je suis vraiment désolé, mais Tu vois, c'est. c'est Nano Battle, tu dis, ah, c'est une bataille dans l'espace, un truc comme ça, tu vois. Non, non, c'est vraiment un truc comme Buzz. Je l'envoie deux, trois petits trucs comme ça, tu vas voir en même temps. C'est vraiment comme un Buzz avec des blasters où tu t'es assis dans un véhicule et donc tu dois tirer sur les cibles. C'est quand même assez bien foutu et c'est vraiment très réactif, beaucoup plus réactif que Buzz. Donc, on va dire que c'est je veux dire, entre Web et Buzz. Tu vois? Ah là, bah, ça me C'est fait un peu plus rêver. Ça me fait un ouais, peu plus c'est rêver. vraiment C'est entre l'écran. Web et Buzz. J'ai beaucoup aimé, hein, vraiment, l'attraction, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment entre Web et Buzz. Et donc oui, non, c'était vraiment bien foutu. J'ai Bon, bah bien aimé écoute, cette attraction. je reviens sur ce que j'ai dit. Si ça mélange de web Non, et buzz, c'est un non, buzz beaucoup c'était. plus moderne, quoi. Ouais, c'est un buzz 3.0. beaucoup. Ouais, c'est un buzz beaucoup plus moderne. Et je pense que c'est les trucs, la technologie qui vont faire maintenant, à Buzz. T'aimerais Donc. bien qu'il fasse la même chose à Buzz? Ouais, je pense que c'est ce que j'ai vu passer. En tout cas, c'est la technologie qu'ils vont faire. Déjà en Floride. D'accord. Ok. Voilà. Bon, bah Donc écoute. ça c'était l'attraction, c'était la deuxième attraction. Il y avait des rencontres Ah, personnages. c'est quoi vite fait l'histoire quand même? Parce que j'ai compris pour Ant-Man Experience, mais quelle est l'histoire de Ant-Man et la Guêpe si tu l'as compris? Mais Zut. en fait, tu dois aider Ant-Man. Et la guêpe a repoussé une attaque de Swarmbot. D'accord, alors je crois que c'est des. Justement, c'est pas des robots qui ont été inventés par Dr. Doom, j'ai plus la ref. Ça, je sais pas. Je crois que c'est. Pour moi, c'est un peu trop technique, mais. Je crois que c'est des robots qui ont été créés par Dr. Fatalis, alors c'est pour ça que je comprends pas trop le rapport, parce D'accord. qu'ils apparaissent généralement avec les 4 Fantastiques, et je vois pas Ok. le rapport avec Ant-Man et la Guêpe. Bon, après, tu veux venir dans le multivers, on peut tout faire, Ouais, hein, voilà. tu peux, voilà. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, C'est vraiment une attraction de type Mais t'as d'autres blaster. personnes, t'as d'autres super-héros qui t'accompagnent ou t'as que Ant-Man et la Guêpe? Non, t'as que Ant-Man et la Guêpe à l'intérieur. T'as que Ant-Man et la Guêpe. Oui, bon, ça va être sympa quand même parce que Ouais. Ant-Man il est assez drôle. Donc, Ouais. Et donc, et à la sortie, il y avait, tu pouvais rencontrer Ant-Man et Doctor Strange. génial. Est-ce que tu pouvais rencontrler Iron Man? Parce que dans Alors, moi, je ne l'ai l'expérience. pas vu. Apparemment, on pouvait le rencontrer, mais moi, je ne l'ai pas vu. D'accord. Parce que il était disponible en rencontre personnage, mais à un moment où j'étais dans le Land Frozen. D'accord. Donc, Land Frozen qui, entre nous, soit dit, Frozen Ever After, attente 5 minutes. Tu vois? Ouais, je suppose ouais, que tu attends pas longtemps. Ouais, tu Ouais. t'attends pas, en fait, tu arrives, tu rentres dans le truc, tu t'assieds, tu te mets dedans. Et c'était comme ça pour tout. On sort un peu de Marvel, mais Mystic Manor est incroyable. Mystic Manor, c'est vraiment l'attraction, Ah bah, ouais, c'est pas elle m'a Marvel. scotché. Ouais, c'est pas Marvel, mais pour les gens Une qui vont belle là-bas, expérience. Mystic, c'est une très belle expérience. Tu as parlé tout à l'heure d'un spectacle de nuit, je suppose, donc les drones contre la sorcière rouge. Il se Ouais. déroule dans cette zone-là, parce que j'ai pas trop compris. J'ai l'impression que quand tu expliquais, ça se déroulait dans tout le parc. Ça se Non, déroule en sur cette fait, zone-là. je l'avais pas. Moi, j'étais dans l'équivalent de dans le Main Street et je le voyais du Main Street, en fait. D'accord. Donc, vu que c'est des drones, mais voilà, c'est en l'air, mais on devait regarder vers l'entrée du parc pour le voir, pas vers le château. D'accord. Donc, ça se déroulait plutôt vers l'entrée du parc. Voilà, et il y a aussi un spectacle de jour, mais que je n'ai pas vu, un spectacle de jour avec l'intervention des Avengers, qui s'appelle Find Your Super Power Battle for Stark Expo. Et c'est un spectacle de jour qui se fait sur le land Marvel avec les Avengers. D'accord. Et t'as donc ok. Ouais, du coup, t'as regardé l'autre spectacle ou pas de jour, comme tu expliquais Mais non, en avec fait, les Avengers? c'était. T'as pas Non, ce pu, hein? spectacle, je ne l'ai pas vu. Comme on a fait qu'une Mmh. journée sur T'as pas eu place, le temps. j'ai pas eu le temps. D'accord. J'ai pas D'accord. eu le temps de tout voir. J'ai fait les attractions, j'ai vu le spectacle du soir, j'ai pas pu voir le Ah, spectacle il du devait être jour. génial le spectacle du soir. Le spectacle du soir est dingue. Et les super-héros que tu pouvais rencontrer, il y en a plusieurs ou c'était vrai? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est concentré sur Iron Man, tu vois. Mais J'ai pas cette moi je dis, impression-là que c'est concentré. j'avais vu Ant-Man et Doctor Strange. Ouais, donc Mais il y en a apparemment, plusieurs. tu pouvais rencontrer Iron Man et Star-Lord. D'accord. Ah, Star-Lord, ouais, génial. Ouais. Tu pouvais rencontrer Iron Man et Star-Lord. Les boutiques? T'as pu faire quelques boutiques, Ouais, regarder un petit peu comment c'était j'ai fait les boutiques, Est-ce que donc c'est il y des a. boutiques de qualité? Ouais, mais je sais pas si tu as vu, je t'ai renvoyé quelques images là. J'ai envoyé quelques images justement avec des boutiques là-bas. Donc il y a l'Expo Shop là qui est produits dérivés Marvel et Pavillon Gift, gadgets, vêtements et souvenirs thématiques. Mais oui, qualitativement, il y avait vraiment des très très belles choses. Les boutiques, c'est vraiment très thématisé un peu comme les boutiques de l'Avengers Campus. Même la disposition et tout, c'est un peu comme ça. Et tu as aussi des choses qui sont dans des vitrines avec des prix un peu plus élevés qui sont des pièces de collection. Des pièces de collection Marvel, comme ça tu vois un petit peu. Je sais pas si tu as Là, je vois, reçu. tu as l'Expo Shop, c'est ça. Ouais, Donc, c'est ouais. ça semble être une boutique. Alors, du coup, je sais pas, est-ce qu'elle est consacrée à Iron Man ou il y a un peu de tout? Alors, l'expo, il y a un peu de tout à chaque fois. Hein. D'accord, c'est Il pas n'y a comme pas nous, on que. a Non. Marvel, on a Spider-Man et Non, c'est que non, du non. Superman. Non, parce qu'il n'y a pas d'attraction Spider-Man. Non, l'Expo Shop, il y a un peu. En fait, il y a un peu tout dans les deux. Et tu as vraiment dans Pavillon Gift, tu as des pièces un peu plus exclusives. D'accord. Et elles sont bien thématisées avec Ouais. ou est-ce que c'est comme Universal Studios, c'est des placards de dessin ou est-ce que Non, c'est non, comme c'est notre bien, c'est Super bien fait, mais Factory, c'est bien. non, non, Ouais. c'est bien, ouais. C'est bien ce qu'ils ont fait, en fait, autant les files d'attente que... Alors, le land en tant que tel est petit, il n'y a pas grand-chose. Oui, c'est Euh, ça, ce qu'ils j'ai ont... vraiment l'impression qu'il est ouais, condensé dans une c'est partie, très, très condensé. comme si c'était, tu sais, juste une partie comme nous, c'était genre le coin Star Tour. Tu vois? Ouais, non, là, J'ai l'impression c'est... que Je c'est vais juste dire, le c'est... coin Star Tour et Je vais c'est dire, c'est un vraiment. peu si tu avais un seul côté dans l'Avengers Campus, en fait. Ouais, c'est. Ah oui. Tu vois, tu Ah prends le ouais, c'est côté, tu vraiment rentres, tu prends petit, le quoi. côté droit, c'est petit, ouais. En même temps, tu as deux attractions, tu vois, tu as Ah deux oui, par contre, tu vois, attractions. j'ai bizarrement. Il y a tout de même deux boutiques, deux attractions. Il y a quoi? Il y a un restaurant, je suppose? Il y a un resto qui est là, lui, pour le coup, pas très thématisé. C'est le resto que j'ai fait quand on est arrivé le soir, là, parce qu'on devait manger et on a été manger. Donc, c'est un resto type burger, Ah d'accord, ok. mais pas très Ah. thématisé. Par contre, tous les burgers, eux, sont thématisés sur Marvel. Donc, ça, c'était vraiment bien parce que même Genre, t'as quoi? le. T'as le burger Iron Man, le burger T'as le burger de Superman ou de rien. Hulk. T'as le burger de Hulk avec le pain qui est vert D'accord. et tout. Et c'était non, c'était bien. Oui, donc même les desserts, genre, je suppose, sont thématisés, genre le Groot au chocolat ou un truc comme Ouais, ça. c'est ça. Il y a le burger de Spider-Man avec qui est rouge. J'ai ici. J'avais fait les deux trois photos. T'avais des gourdes qui étaient aussi. Était aussi thématisé, donc tu avais un peu les trucs étaient bien, c'était bien chaud, c'était bon. Le resto en tant que tel n'était pas hyper thématisé, par contre, ce qu'ils offraient en repas, c'était bien foutu. Tu avais le Captain America Cheese Steak Burger Combo, le Iron Man avec la viande de Wagyu, le Spider-Man Cheeseburger, le Hulk. Le Groot avec les champignons. Donc, tu avais le marteau de Thor aussi, le cupcake, le marteau de Thor avec une boisson. Donc, c'était. Oui, non, Juste demander, c'était genre, vraiment bien. il vient de me montrer une photo de son hamburger. Donc, c'est un burger rouge de Spider-Man, je suppose. Et Ouais. t'as carrément bah, l'araignée, quoi, sur le burger. Ouais, À place des c'est graines de bien. sésame, c'est une grosse araignée avec sa Ouais. toile sur le burger rouge, quoi. C'est génial. Ouais, c'est top, ouais. Et c'était bien, c'était bon. Donc voilà, Oui, c'est super. franchement un chouette. Ils ont l'air gros quand même, les burgers. Hein. C'est gros, ouais, c'est gros. C'est bien servi. Bah, Après, c'est pas ouais, comme comme je. nous à Ouais, l'Hyperion, t'as le burger non. froid, quoi. Non, c'est bien servi et c'est chaud. Et c'est ça qui m'a étonné parce que je me suis. Tu vois, quand tu arrives dans un parc comme ça, c'est le soir, tu dis, enfin, je dois manger un truc vite avant que ce soit le spectacle. Tu connais pas, c'est la première fois que tu vas, tu sais pas où aller manger. Tu te dis, je vais aller vers le truc de burger parce que c'est la facilité. Voilà. Et en disant, j'espère que je vais bien manger. Au final, c'était très bien. Avec des prix Tu as pu corrects. te sustenter convenablement. J'ai pu me sustenter vraiment correctement. Donc voilà, j'ai pas de c'était Attends, il y a top. des choses à améliorer dans ce enfin, c'est même pas un land, dans ce coin du land. Ouais, mais en fait Enfin, le coin du. J'ai l'impression que c'est tellement petit, tu peux pas faire grand-chose de ce que tu dis. alors ils ont ouais, tu peux pas faire grand-chose parce que tu passes pas beaucoup de temps, d'autant plus que comme je dis, il y a pas grand monde, donc t'as pas d'attente dans les attractions. Donc, je veux dire, en 1 heure, 1 heure 30, tu as fait le tour en regardant les boutiques, en faisant les deux attractions et tout. Ils annoncent d'ouvrir une nouvelle attraction Spider-Man pour remplacer le projet Avengers Quinjet. Ils avaient. Donc, apparemment, ils vont faire une nouvelle attraction Spider-Man dans la partie du land Ah, mais du coup, t'as de la place de ce que tu vois ou à ton avis, Ouais, je pense ils qu'il y a vont de la place. remplacer? Ouais. C'est quand même assez vide. Hein. T'as quand même pas mal d'espaces qui sont vides. Tu sais, toute cette partie me rappelle le studio quand il a ouvert. Tu vois des grands espaces assez vides, des trous un peu partout. C'est un peu le parc mal-aimé de Disney, hein, le Hong Kong Disneyland. Bon bah écoute, on va voir. Après c'est vrai que est-ce que ça va changer parce que quand t'as que sur du thème Iron Man et Ant-Man, un peu de Spider-Man, ça peut Un peu celui-là, ça va pas, un ça va peu de faire du diversité. bien. Un Ouais, peu de ouais, ouais. fraîcheur, un peu de diversité. Et puis les enfants, ils sont plus attirés par Pas Spider-Man que. Spider-Man aujourd'hui, ouais. Bon, expérience immersive par rapport à l'Avengers Campus, bof bof, Ouais, ou peut bof mieux bof, faire ouais, on peut, ouais, mais c'est Ça manque un coaster, quoi. ça manque d'un coaster, ça manque de, en fait, ça manque de dynamique. Ouais. Ça manque de dynamique, c'est fort fort calme, hein, tu vois. Donc oui, par rapport à l'Avengers Campus, c'est moins bien. C'est moins bien. D'accord. En fait, c'est là que tu vois que souvent on se plaint, mais c'est bien Avengers Campus en fait. Ce qu'ils ont fait est vraiment bien. Alors après les attractions, ça nous plaît, ça nous plaît pas. Ça, c'est une question, je pense, de goût personnel. Mais l'immersion, elle est quand même là. Que ce soit avec le PIM, avec le Oui, mais Star j'ai l'impression Factory. qu'elle est vraiment, ah, comment te dire, elle est là, mais tu sens que tu peux vite arriver dans, vu que ça a l'air petit, tu as l'impression de vite arriver dans un autre univers de Tomorrowland assez rapidement, quoi. Non, non, non, moi je te parle de ce qu'ils ont fait à DLP. Un DLP, ah d'accord, ok, DLP, oui, Ouais, bah non, oui, je parle de dans ce qu'ils ont l'inverse. fait à DLP. C'est quand tu vois ce genre de truc, tu te dis, en fait, quand tu vois ce qui se passe à Universal, quand tu vois ce qui se passe à Hong Kong, Disneyland, et que tu vois l'Avengers Campus de Oui. DLP, tu te dis qu'ils ont quand même, qu'ils ont fait les choses bien. Alors, on râle, tout le monde râle, avec les attractions, avec trucs, mais Web, moi, perso, j'aime bien. Oui, j'aime bien, mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien. Ouais, perso, j'aime bien. Flying Force, enfin, voilà, il est ce qu'il est et on connaît. Mais sinon, l'immersion en tant que telle, elle est plus poussée qu'à Universal. Elle est plus poussée qu'à Hong Kong. Et donc, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Après, je pense qu'il faut voir un peu le goût des gens, peut-être en Chine. Si c'est quelque chose qui leur parle, les Avengers, en tant que tels, s'ils vont investir de l'argent là-dedans, parce que eux, là-bas, la culture est complètement Oui, bah le différente. Mystic Minor déjà, c'est Alors, pas Mystic bien. Manor, mais Mystic Manor, c'est super bien fait, mais tu arrives là-bas, et même en rentrant, tu te dis. Mais je comprends pas en fait le délire du truc. Ça ressemble très très fort à Anaheim, puisque c'est une copie de Anaheim. Et donc quand tu arrives, tu vois, tu as tout le parterre de fleurs comme à Disney World. Mais t'as pas ni Mickey, ni Minnie, ni rien. Tu as Duffy. En fait, Duffy est partout. Tu as l'impression que c'est un parc qui est Sans Mickey, vraiment. qui est Buffy, Non, sur Duffy et Duffy. Mickey, quoi. Oui, Sur ah Duffy. oui. Voilà, c'est que ça. Et donc, toi qui ne connais pas Duffy en tant que tel parce que ça te parle pas, tu comprends pas pourquoi il y a cet engouement partout autour de Duffy. Mais bah écoute, Voilà. c'est comme ça. Je pense que c'est une Mais culturelle, en sinon, une fait. belle C'est expérience. Oui, culturel, c'est culturel. c'est culturel. Hein, c'est C'est culturel. culturel. C'est Sinon, pas. encore une voilà, j'ai eu la chance de le faire. J'étais Une très journée, et ça content. t'a suffi au final pour faire une expérience Marvel. Oui, Passer une mais semaine là-bas, c'est pas non forcément le truc. Ah mais c'est impossible, tu peux pas le faire, tu peux pas le faire. À la limite, je veux dire, la personne qui veut faire, moi j'ai fait une soirée pour faire les trucs et une journée le lendemain, ça c'était largement assez. À la limite, si tu veux vraiment pousser le truc loin, c'est que tu dois faire 2 jours, quoi. Mais c'est le Ouais. max. En plus, il n'y a pas d'hôtel Marvel, on est le seul, Non, il n'y a pas d'hôtel, on est le on est seul le à avoir. seul, le seul Disneyland à avoir un hôtel dédié Marvel, enfin un Dédié musée Marvel, hôtel, qui est un juste musée hôtel, incroyable, qui est juste qui est assez magnifique, génial, qui est un qui est musée, juste on en a magnifique. parlé puisque on a fait un podcast ensemble dessus, mais c'est un musée quoi, c'est génial Mais c'est clair que pour les gens, les fans Marvel, c'est pas là qu'il faut aller, quoi. Tu vois? mon petit Pierre. Tu entends cette musique de fin? Ça fait Oui. 2h34 que nous sommes ensemble. Et on pourrait en parler des heures. Et on pourrait en parler des heures et des heures. Donc l'immersion est liée. L'immersion est liée. Ouais, à... l'immersion est liée. À Hong Kong Disneyland, mais moins bien qu'à la croisière. Mais peut-être mieux, parce que j'ai compris, qu'Universal Studios. Alors, dans le classement, on va dire ça. On va dire que ça, on a Universal qui est plus bas, Hong Kong qui est un peu au-dessus, et puis la croisière qui est à des années-lumière de tout ce qui se fait. Merci Pierre. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci grand plaisir. De nous avoir régalé avec tes anecdotes. Ton analyse digne d'un cast member, bah mieux que ça, d'un Imagineers qui serait un film. J'espère à pouvoir aider un peu les gens qui veulent voyager. Ah, voilà. Sans toi, cet épisode, ça aurait été comme toi, Disneyland sans avant. Comme des frites sans maillot. Ah, ouais. Ça passe. Ouais, sans sauce biki chez vous, c'est ça? Ouais, sauce biki chez vous. Voilà. Merci, merci beaucoup, Pierre. Benji. Merci à toi de nous avoir partagé ton amour sans limite pour l'univers Marvel quand même. Grâce à toi, on a pu voyager, on a pu naviguer. Voilà, si je peux me permettre souvent de payer ce jeu de mots, si je peux dire ça. Hein, tu étais notre Bifrost. Voilà, tu nous as envoyé à Cap Canaveral, c'est ça? Non, c'est pas Cap Canaveral. C'est... Port Canaveral, mais c'est Cap Canaveral, c'est pareil. C'est pareil. Et tu nous as emmené en Floride, à Hong Kong. Merci à toi. En tout cas, chers auditeurs, un grand merci à vous de nous écouter. Un grand merci à Pierre. J'espère que Pierre a réussi à vous faire embarquer dans ses aventures et que vous allez pouvoir faire comme lui, voyager Hong Kong, Disneyland, faire une Disney Cruise, notamment. Voilà. Et puis, n'hésitez pas aussi à écrire à Pierre et à moi, éventuellement, quelle expérience Marvel vous fait rêver, même en commentaire. Ce serait pas mal. Que vous indiquiez que à quel point Pierre vous avait fait rêver de la Disney Cruise Line, parce que moi je retiens ça, la Disney Cruise Line. Voilà, merci Pierre, merci à toi. Quand est-ce que tu reviens Disneyland Paris, que je te vois coquinou? Alors là, j'espère revenir assez rapidement. On va essayer d'arranger ça pour venir, parce que ouais, même le parc me manque, donc je vais essayer de passer quelques jours. Sinon, petite actualité, mais pour le moment, j'ai bloqué la cruise, on en a parlé tout à l'heure. En même temps, ce sera certainement Epic Universe en même temps, parce que je serai là-bas. Et comme maintenant, on a la chance d'être Disney Vacation Club, on va passer quelques jours aussi à Disney World en même temps que la croisière. Donc, avant, ce sera pour nous Disneyland Paris quelques jours, puis ensuite ce sera Disneyland Paris pour la nouvelle année, un peu comme tous les ans. On se verra aussi pour la nouvelle année. Pour la nouvelle année, comme tous les ans, donc voilà, on se verra là-bas. À nous, à l'hôtel, au Castle Club du Disneyland Hotel. Et ensuite, on partira à Disney World. D'ici là, peut-être qu'il y aura une autre croisière qui va se goupiller. Si à un moment je craque et que je me dis bon, tant pis, c'est bon, je pars, j'en ai marre. J'ai essayé de voir si on pouvait aller en même temps que toi et je ne peux pas. Et mes filles ne sont pas en vacances, les Belges. Bon, après, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme concordance de vacances et on va regarder si on peut pas trouver quelque chose. Par contre, le Destiny, hein, parce que là, quand j'ai vu l'immersion, là. Ouais, sur le Destiny. Star Wars. Ouais. Destiny, ça va être bien. Et donc voilà, sinon, toi, qu'est-ce que t'as de prévu? Moi? Ouais. Disneyland ce week-end. Disneyland ce week-end. Okay. Voilà, à l'Avenger Campus. Voilà. Et, ouais, puis, et cet été, je sais pas, j'ai envie d'aller à Anaheim. Ouais, on en a parlé. Ouais. Je suis chaud là. Moi, j'ai Tokyo en tête ici de plus en plus. Mais la période pour y aller est compliquée en fait, avec le boulot et les projets. Et même, apparemment, l'été, il fait extrêmement chaud. Et, et en plus, le parc est extrêmement plein l'été, parce qu'apparemment, les Japonais. L'été, c'est direction les parcs. Ouais, nous on avait regardé pour peut-être se dire partir là-bas vers octobre, mais bon, avec le taf et les nouveaux projets qui sont en cours, ça va être compliqué. Mais de toute façon, ça fait partie de mes objectifs, c'est Tokyo et Shanghai pour les prochains. Ah, Shanghai, c'est mois d'octobre. Shanghai. Toi, tu fais Shanghai en octobre. En octobre, oui. Ah, génial. C'est pas cette top. C'est ouais. Top. Merci encore. De rien, merci à toi surtout. Voilà, nous avoir fait rêver un petit peu. C'est toi qui nous a fait rêver. Moi, j'étais que le fil directeur. Ouais. Voilà. Maître d'orchestre, comme tu veux, mais je retiens la Cruz. Honnêtement, la Cruz. Bravo. Mais retenez la Cruz. Allez, partez dans sur le bateau. Retenez la Cruz. Voilà. Allez. Salut mon Pierre. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Ciao.